Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes pères, bonsoir mes fils, mes petits-fils, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui c'est mercredi, merci beaucoup, aujourd'hui c'est mercredi, mercredi j'ai décidé de venir vous entretenir sur un sujet en rapport toujours avec la spiritualité. Vous avez vu le titre, comment communiquer, comment se mettre à l'écoute. Je pourrais dire, quand j'étais en train de méditer tout à l'heure sur les arbres, après ma méditation, les maîtres ou les génies, on les appelle chez nous en Gabon et même en Afrique, en général on les appelle les génies. L'expression maîtres invisibles, c'est une expression utilisée par les occidentaux pour désigner ceux qui peuplent le monde invisible, c'est-à-dire ceux qui vivent au-delà de la dimension matérielle, ceux-là qui peuvent nous dire et nous envoyer des messages interposés parfois, sous forme des songes ou des rêves, sous forme et à travers des personnes interposées de diverses manières. Donc, comment nous pouvons nous mettre en communication, ou en d'autres termes, comment écouter les signes ou observer les signes qui sont donnés par les génies, qui sont donnés par les maîtres invisibles. Et si vous êtes chrétien, on dirait ceci. Comment écouter les signes du Seigneur, du Dieu suprême? Voilà le titre. Comme je vous disais, c'est suite à ma méditation profonde dans le bois, pendant au moins 2 heures de méditation. Et pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont hors du Gabon, enfin hors des États-Unis, aujourd'hui aux États-Unis, c'est la fête de l'indépendance. C'est le 14 juillet. Je ne célèbre pas cette fête. Je joins ma voix à celle de mes frères noirs qui vivent ici. Pour ne pas, la majorité d'ailleurs ne célèbre pas et ne reconnaissent pas le 4 juillet comme une fête de l'indépendance. Car en réalité, les Noirs ont été libérés et ont été indépendants le 19 juillet 1865 par un monsieur appelé Abraham Lincoln. C'est Abraham Lincoln qui avait libéré les Noirs à travers un document très important qui est très connu ici, qu'on appelle Emancipation Proclamation, la proclamation de l'émancipation. Et c'est sur ce document, donc, c'était pas nécessaire d'en parler, parce qu'ici on ne parle pas politique ou histoire, mais on parle mysticisme, spiritualité. Donc, disais-je, profitant donc de ce jour de repos, j'ai passé tout mon temps, toute la journée dans le bois. Et c'est ainsi qu'au sortir de cette méditation profonde, je suis rentré en communion avec les maîtres et ils m'ont demandé de venir partager avec vous ces connaissances. Il n'y a aucun document d'appui, mais les génies vont toujours me donner sûrement des références qui vont vous servir, parfois que je ne maîtrise pas, mais que vous pouvez vérifier. Donc, je vous en prie, invitez. Je n'ai pas dû avertir 24 heures à l'avance, c'est juste une heure ou deux heures, moins de deux heures à l'avance, j'ai dû balancer le message comme ça. C'est comme une habitude, mais je sais que certains vont toujours répondre présent. Parce que beaucoup d'entre vous suivent mes mouvements. Et j'apprécie cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kenzambakan, le Dieu suprême continue à bénir les efforts que vous fournissez. Et qu'il bénisse vos cœurs parce que vous donnez votre confiance, non pas à ma personne. J'apprécie pour ceux qui le font. Mais vous donnez votre, vous mettez votre foi dans les enseignements que je partage avec vous. Car certains d'entre vous ont trouvé que ces enseignements peuvent être utiles pour votre propre élévation spirituelle. Et ça peut servir également aux enfants, aux petits-enfants que vous avez autour de vous. Surtout pour les générations futures. Alors, à l'ouverture de mon propos, je le dis toujours. Nzambakana, l'être suprême, celui qu'on donne divers noms, Dieu, Allah Akbar, Bog en allemand, God en anglais, Anyambi, Tatnyambi, Taranzam, Tatanzambi, Mboka, Mutoanene, quel que soit le nom qu'on te donne. La race humaine, aujourd'hui à notre 21e siècle, a besoin de toi. Et avoir besoin de toi, ce n'est pas nécessaire d'aller hors de nous. Mais c'est à l'intérieur de nous qu'on peut retrouver cet être suprême. Comment pourrons-nous le retrouver à l'intérieur de nous? Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Le fondateur du christianisme, M. l'apôtre Paul, a dit quelque part que le temple de Dieu ne se trouve nulle part. Le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Mais le temple de Dieu réside en vous. Conformément au livre de 2 Corinthiens, chapitre 6 au chapitre 7, que vous pouvez vérifier chez vous. Et dans le Bouti, c'est la même chose. On nous enseignera cela. Le Bouti n'est pas seulement une affaire. C'est quelque chose qu'il fallait que je précise la dernière fois sur l'enseignement sur l'Iboga, la plante sacrée. Le Bouti n'est pas une affaire de seulement bouger les fesses ou consommer le bois sacré, le bois amer. Le Bouti, c'est une école. C'est une école du savoir, des connaissances, de toutes les magies. La magie verte, c'est-à-dire la magie des plantes dont votre maître a eu le titre de Nganga. Le titre original, le véritable Nganga, Nganga, c'est quelqu'un qui maîtrise les plantes, qui maîtrise tout ce qui concerne les plantes, les arbres, les fruits, les racines. Et il les maîtrise dans le but d'aider les autres, de guérir, apporter secours, leur accorder une bonne santé éviter l'obésité, éviter l'impuissance, les femmes qui ont besoin d'enfants et autres. Voilà le but de la magie verte. Et également, guérir les fous, guérir toute forme de maladie. Et ainsi, nos frères blancs, ils viennent en Afrique, dans nos forêts, ils vont au Brésil, ils vont en Inde, extraire les corps de ces arbres, extraire les fleurs, les plantes et les racines en vue de fabriquer des médicaments. Donc, c'est ça la transformation pharmacologique. Et cette transformation pharmacologique va amener à la médecine générique moderne. Mais nous, en tant qu'Nganga, nous avons notre médecine traditionnelle. Laquelle médecine traditionnelle se repose sur une manipulation naturelle, inspirante. Et je vais utiliser deux termes aujourd'hui, il faut bien le retenir. Je vais utiliser le terme inspiration et aspiration. Ce sont ces deux termes qui vont nous amener justement dans la compréhension du sujet de ce soir. Le sujet est intitulé « Comment se mettre à l'écoute des maîtres ou des génies ?» Nous allons utiliser ces deux termes, « aspiration » et « inspiration ». Donc, le Nganga, disais-je, rentre en communion avec les esprits, rentre en communion avec le temple universel de Nzambakana, qui est la grande forêt gabonaise ou la grande forêt brésilienne, en émot notre grande forêt africaine, là où on retrouve toutes les plantes. Les grandes pharmacies américaines, Pseso, qui est la plus grande pharmacie américaine aujourd'hui, utilisent tous leurs médicaments viennent, comment dirais-je, de nos pays d'Afrique. 90% des médicaments que vous utilisez aujourd'hui dans les hôpitaux viennent de nos plantes, viennent de ce que j'ai appelé la magie verte. Donc, quand vous entendez le mot magie, n'ayez plus point peur, parce que magie vient du grec, de l'araméen, de l'hébreu. On dit Maria en grec, Mardim en araméen, Mardum, Mardom dans les langues anciennes, qui veut dire tout simplement excellence, maîtrise et prêtrise. En d'autres termes, les prêtres étaient les seuls détenteurs de ce savoir de la maîtrise des principes universels. Lesquels principes universels sont des principes immuables, principes ou lois, inviolables, car bien organisés par les dieux et par Nzambakana, l'âme universelle, celui que les humains appellent communément et ignoramment Dieu. Donc, magie veut dire maîtrise des lois universelles. La maîtrise de ces lois universelles en vue par une connaissance, bien sûr, connaissante ou expérimentée et vécue. Ils vont mettre, quand je dis ils vont, c'est-à-dire les opérateurs, y compris votre humble serviteur, nous allons donc mettre toutes ces lois universelles, nous allons les mettre en application en observant certaines règles naturelles de la mère nature, léguées et laissées par nos ancêtres, lesquels ancêtres sont du côté de Nzambakana, qui forment cette énergie universelle, cosmique, immuable, invisible. Donc, ainsi, la magie verte se définit. Le mot magie veut dire la maîtrise des lois universelles et l'application de ces lois en vue d'apporter le bonheur et la guérison et la paix et le bonheur pour la race humaine. Conformément à ceux qui m'ont suivi dans l'autre show, il n'y a même pas quelques jours, je crois il y a deux jours, où je vous parle du bois sacré. Le bois sacré a mille et une vertus. Mais je n'en reviendrai plus dessus, allez-y suivre la vidéo. Elle est disponible sur mon site et je crois le Kobolo d'Afrique, nos frères, c'est un site qui fait passer beaucoup de mes vidéos. Kobolo d'Afrique a déjà sorti la vidéo avec son titre tout à fait approprié que je n'ai pas opposé. Je leur donne la permission d'utiliser mes vidéos et de les poster pour une meilleure large diffusion des connaissances ésotériques. Nous avons en dehors de la magie verte, parce que vous avez déjà la définition exacte du mot magie, avant de rentrer dans le but du sujet, je ne suis pas dispersé s'il vous plaît, mais ce sont des bases qui vous sont indispensables de comprendre, car se mettre en connexion ou en contact et en communion, ou se mettre à l'écoute des signes des maîtres, se mettre à l'écoute des signes des génies, se mettre à l'écoute des signes des dieux ou du Dieu suprême, Zambakana, est un acte magique. La prière est un acte magique. Alors, il faut comprendre que le mot magie ne doit point vous effrayer à partir d'aujourd'hui. Je dirais que, un magicien est un utilisateur des forces de la nature de manière, il les utilise pour faire du mal. Je vais vous donner la différence entre un mage et un magicien. Le technicien qui applique, le technicien qui applique les lois magiques pour le bien de l'humanité, pour la guérison de la race humaine, pour l'éveil de la conscience de la race humaine, puisque le bois sacré en fait partie, la yarourda ou yaourda de la plante, la liane qui se trouve au Pérou en fait partie, et d'autres plantes sacrées qu'on trouve au niveau du Brésil, dans la macumba brésilienne, en servent également pour l'éveil de la conscience. Tout cela fait partie de la magie verte. Mais retenez bien que dans cette application, celui qui est l'opérateur de ces, selon la définition que j'ai donnée, est un mage. Un mage est un connaisseur. Je voulais dire, non pas un connaisseur, mais il est un connaissant. C'est-à-dire qu'il a expérimenté ses connaissances et il les a, lui, vécues et ses connaissances lui ont influencé et ses connaissances font de lui ce qu'il est. Il vit en fonction de ses connaissances. Donc il est devenu cette connaissance, c'est pour cela qu'on l'appelle que c'est un connaissant. Armé donc de cette connaissance-là, on peut l'appeler un mage. Souvenez-vous de ceux qui sont chrétiens, on nous parle des trois rois mages qui ont été guidés par des signes astrologiques, suivant les mouvements des étoiles, où était né, où devait être né le sauveur. Bref, tournons une page. Donc le mot mage, votre humble serviteur est tout à fait d'accord et n'hésiterait point d'être dans cette catégorie de personnes. Je suis un mage. Par contre, un magicien, comme le mot le dit, c'est un technicien de la magie. Et il pratique cette magie à des fins utiles ou inutiles, soit pour faire le bien ou le mal. Car il est en possession d'un pouvoir dont parfois il ne maîtrise point, mais l'objectif pour lui c'est de se faire de l'argent au dos des dieux, au dos de Dieu Tatanzambe, au dos de tous les génies. Voilà le magicien. Il va vous escroquer, il va faire tout ce qu'il peut faire. Et même on a des magiciens de spectacle, car votre humble serviteur était un hypnotiseur de spectacle par la manipulation du subconscient. Je ne veux plus revenir dessus. Suivez ma vidéo intitulée « La manipulation psychologique et les pratiques psychosomatiques et tout le reste. » Ok? Donc, voilà, il y a une différence entre un magicien et un mage. Nous avançons. Nous avons la magie verte. Nous avons la magie noire. Nous avons la magie blanche. Nous avons les magies de diverses origines. Mais pourquoi on dit noir, blanche, jaune ou quoi? Il faudrait que ces termes-là soient complètement clarifiés. Il n'existe ni magie blanche, ni magie noire. Car, comme la Bible dit, que le pouvoir de Dieu est une épée à double tranchant. Et ce pouvoir peut à la fois vous ôter la vie, vous donner la vie, vous donner le bonheur ou vous créer le malheur. Donc, la magie n'est ni blanche ni noire, mais c'est l'opérateur qui en fait de cette magie une magie noire ou une magie blanche. Et c'est resté dans la compréhension des humains. C'est ainsi que ces termes péjoratifs, vous les entendrez souvent. Oh, le type fait de la magie noire. Non, il n'existe pas une magie noire. Il n'existe pas une magie blanche. Mais c'est le mec ou l'opérateur, nanti de ses connaissances, acquises je ne sais où, car il y a plusieurs milliers d'écoles, il a appris ses connaissances. S'il veut réussir vite dans sa vie, s'il veut aider les gens de sortir des ténèbres ou les sortir du royaume des ténèbres, les amener vers la lumière, Alors il va utiliser par des voies inconnues, seul lui détient le savoir et la pratique, comment dirais-je, la connaissance. Voyez-vous? Donc, si ces pratiques-là sont nocives, vont faire en sorte que les individus aient des cauchemars, les individus doivent offrir les sacrifices humains. Et là, je rentre dans la notion de ce que j'ai toujours appelé, et je voulais déjà enseigner dans d'autres vidéos, ce qu'on appelle la talismanie pratique, qui n'est autre qu'une manipulation des forces cosmiques en vue de réaliser certains besoins immédiats. Et ces personnes, donc, peuvent faire appel à des démons ou des forces, ce que nous appelons en tant que maîtres initiés, ce qu'on appelle les forces du miasme du bas astral, qui sont des âmes involuées, c'est-à-dire des âmes qui ne sont pas évoluées. D'autres étaient des maîtres, mais à cause du mal qu'ils ont fait sur Terre, alors on les met vers ce monde-là du bas astral. Donc, ils deviennent des miasmes du bas astral en vue de servir tous ces sorciers, en fait, tous ces magiciens-là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le mot magie est devenu, d'abord, qui a été gaspillé par les religions chrétiennes, bien sûr. Magie, c'est la sorcellerie. Et vous rentrez dans le livre de Deutéronome, chapitre, je crois, 18, on vous dira qu'on ne doit trouver personne chez vous qui fasse ceci, ceci, cela. Et ce verset, je veux vous signaler que ça a été même mal interprété, mal traduit. Cela est vrai que le Dieu Yahvé, le Dieu de nos ancêtres, n'autorisait point la pratique des dieux, la pratique étrangère qui se passait dans le temps. Et que cela devait créer des amalgames ou des problèmes. Et tout. Donc bref, la magie n'est ni noire ni blanche. C'est un peu le point où je voulais un peu clarifier. Maintenant, revenons à notre sujet. Nous allons rentrer droit dans notre sujet du jour, de la soirée. Comment se communiquer ou bien comment se mettre à l'écoute des signes des maîtres. Maître, c'est le langage des loges, c'est le langage général des occidentaux, c'est comme ça ils les appellent. Mais chez nous, en Afrique, on les appelle les génies. Les génies, chez nous, je l'ai toujours dit, si vous voulez, dans le jargon, dans le langage, les initiés, c'est qui on appelle génie. Les génies, ce sont, chez les musulmans, ils les appellent les djinns. Les djinns. Les génies, ce sont ce qu'on appelle, les chrétiens appellent les anges. Les archanges, les chérubins, les séraphins, avec différents niveaux auprès de Nzamba Kana, l'âme universelle. Mais d'ailleurs, dans une haute compréhension initiatique, au 12e degré initiatique, comme je l'ai toujours dit, mais qui est en réalité Nzamba Kana? Qui est en réalité Dieu, celui qu'on appelle Dieu? À ce niveau, vous comprendrez que votre humble serviteur, Yahshua, Mohammed et bien d'autres grands initiés, lorsqu'ils n'arriveront plus à se réincarner, lorsque leur cycle d'incarnation prendra fin et vont être de l'autre côté, alors ils deviennent cette âme universelle. Donc, ils deviennent, en fait, Nzamba Kana, dans le plan invisible. Mais tant que nous sommes sur Terre, nous sommes Nzamba Kana exprimé. Donc, nous sommes l'expression du Dieu suprême ici-bas. Lorsque, n'allez pas, voilà où les gens me prennent de fou. Ça, c'est une compréhension un peu plus avancée. Soyons un peu plus terre à terre, en d'autres termes. Quand vous rentrez à votre église, vous suivez votre religion, vous êtes né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, on vous dit que le salut vous est assuré. Mais ça ne veut pas dire que vous avez déjà le salut. Parce qu'au cours de votre cheminement spirituel, vous pouvez chuter. Parce que vous vivez dans un corps matériel de chair qui est exposé à toute forme de tentation. Donc, lorsque vous allez atteindre ce niveau de spiritualité, ce que l'apôtre Paul appelle l'alchimie spirituelle, dans cette alchimie spirituelle qu'il décrit dans le livre des Colossiens, le chapitre 5, et dans le livre, je crois, plutôt Galates, le chapitre 5, Colossiens, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, et dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Vous vous souvenez, on parle de l'armure complète. Bon, là, je m'adresse à ceux qui sont chrétiens. Je vous ai dit, j'étais pasteur avant d'être dans cette affaire-là. Donc, lorsque l'apôtre Paul appelle ça, vous détruisez le vieil homme. Et par une voie, d'une manière alchimique, le vieil homme est détruit. Il est complètement détruit. Ce vieil homme n'est autre que le reflet de vos défauts, de qui vous étiez, de méchant, de tout ça. Vous mentiez, vous voliez, vous faisiez ceci, cela. Donc ce vieil homme, le masque de ce vieil homme, tout se détruit complètement. Alors, le nouvel homme va prendre naissance. Mais ce nouvel homme, c'est qui? Conformément à Genèse chapitre 2, le verset 7, et Genèse chapitre 3, on nous dira que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Donc, cette image, finalement, s'incarna en l'homme. C'est ainsi que la suite du verset dit « Et Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. » Et après avoir soufflé le souffle de vie, après avoir mis donc ce souffle de vie dans les narines de l'homme, ainsi l'homme devint une âme vivante. Mais avant cela, l'homme était inerte, il n'était que matière. Alors poussière, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, déclarent les écrits sacrés. Donc le corps matériel en tant que tel permettait l'homme de vivre dans un temps bien limité, parce que c'est une matière. Mais il a fallu que Dieu insuffla en lui ce souffle de vie, donc c'est là où on parle de l'âme, donc notre être éternel. Maintenant, le phénomène donc de cette alchimie spirituelle consiste pour vous de réveiller donc ce vieil homme, plutôt réveiller donc l'homme adamique qui était en nous. Et cet homme adamique, en d'autres termes, l'homme adamique original, mais qui, quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, je suppose, vérifiez ceux qui ont la Bible, on nous dit que nous étions morts en Adam, mais nous étions ressuscités en Jésus-Christ. J'insiste sur le Christ. Donc, maintenant, le Christ qui sommeille en vous, mais le Christ qui sommeille en vous, c'est qui? Mais c'est l'étoile divine, c'est l'étoile de Nzambakana, l'étoile du Dieu suprême, son esprit, le souffle de vie qu'il a mis en vous, mais cette étoile sommeillait. Voilà pourquoi quand on s'initie, cette étoile se réveille. Et quand cette étoile se réveille, ou cet esprit se réveille, c'est votre divinité. Mais votre divinité a besoin, au fur et à mesure, d'avoir accès à certaines connaissances. Donc vous vous initiez, vous rentrez dans multiples et une même initiation, et ça va vous ouvrir ce qu'on appelle dans le langage mystique, ou je n'aime pas utiliser le mot mystique pour ne pas vous effrayer, dans le langage spirituel, on appelle ça les arcanes secrètes. Une fois ces arcanes secrètes sont ouvertes, alors vous avez accès à toute une panoplie des connaissances. Comme votre humble serviteur vous l'a toujours dit, et je suis fier de le dire. N'hésitez pas, parce que je n'ai pas mes lunettes, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit ici, mais sachez que les questions, vous les poserez à la fin, s'il vous plaît. Nous sommes sur comment se mettre à l'écoute des signes des maîtres. Donc, là, je parle ici d'abord à nos frères chrétiens, et je parlerai également à nos frères musulmans avant d'en arriver à l'étape finale pour leur faire comprendre que le processus spirituel, mystique, initiatique, en fait, s'adresse à tout le monde. Parce que le mot « religion » veut dire quoi? En grec, « religare », qui signifie « chercher à se relier à un super idéalisme ». Chercher à se relier à cet être idéal. Chercher à se relier ou devenir ce que nous voulons être. Voilà pourquoi au début de mes propos, je vous ai dit, il y a deux termes que je vais pouvoir développer avec vous et sur lesquels je vais insister pour vous faire comprendre en fait comment maintenant nous pouvons nous mettre à l'écoute des grands maîtres, à l'écoute des génies. Ce sont les deux termes suivants, aspiration et inspiration. Et je vais vous donner un exercice. Comment vous pouvez faire l'aspiration? Qu'est-ce que c'est d'abord? Et ensuite, l'inspiration. Et ça, c'est le résultat de ma méditation de 2 heures de temps. Voilà pourquoi je vous ai toujours recommandé que la méditation était un grand travail mystique recommandé pour tout initié. En fait, la méditation est au top de toute forme de pratique mystique ou spirituelle que vous pouvez faire. Vous pouvez manipuler les forces de la nature. Vous pouvez faire des rituels d'appel, de renvoi, de ceci, cela, qui sont des manipulations de la nature et des principes préétablis, invisibles, mais qui peuvent créer malheureusement des incidents parfois si l'opérateur ne sait pas ce qu'il fait. Alors, disais-je, dans cet élan donc du processus initiatique, l'alchimie spirituelle donc veut que votre vieil homme-là est détruit. Maintenant, quand vous devenez le nouvel homme, c'est là où on parle de votre éveil. Là, c'est chez les chrétiens. Vous êtes éveillé. Vous êtes vraiment le chrétien irréprochable. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans les conditions qu'il a données, je crois, à Tite, comment recruter les anciens au sein des membres qui sont de l'Église. Je vous en souvenez, l'enseignement que j'avais fait, et nos amis de Malcolm de Mapan a fait sortir un titre intitulé « Un bouddhiste est en train de demander à Dieu de détruire ou bien de faire du mal à Ali Bongo ». Enfin, ils l'ont dit, c'est parce que là-dedans, je dis bien que si tu continues à persécuter, nos amis de la diaspora, si tu continues à persécuter ces mecs-là, mais Dieu va te frapper. Mais ce n'était pas du mensonge, en plus, c'est la vérité. Voilà aujourd'hui la frappe de Dieu. Mais les gens ne voient pas, quand votre humble serviteur parle, ne voient pas la réalité des faits. Aujourd'hui, il est frappé. Bref, on ne parle pas politique ici, pardonnez-moi. Donc, Dans le livre des Tite, l'apôtre Paul dit, bon, voilà, pour être un responsable au sein de l'Église, voilà ce qu'il te faut faire. Il faut être irréprochable. Il ne faut pas être esclave du vin. Il faut que tes enfants aient une conduite de droiture. Il faut que tu sois marié à une seule femme. Tu ne dois pas être un bandit, avoir mille et une maîtresses. Bref, l'apôtre Paul donne une liste d'éléments qui feront de vous finalement un homme irréprochable. Un homme qui peut être un leader au sein de l'Église. Aujourd'hui, la crise que traverse la plupart des religions, mais c'est parce que les leaders ne sont pas en mesure, ou pas être en mesure, mais n'appliquent pas réellement ce que la Bible dit. Même si Jean, je crois dans le livre de 1 Jean, il dit quelque part, 1 Jean chapitre 4, le verset 19 à 20, il dit que les lois de Dieu, les commandements de Dieu en réalité ne sont pas lourds. Mais que celui qui aime Dieu aime ses commandements. Et Jésus l'a dit. Que celui qui m'aime garde mes commandements. Et ainsi il verra des choses se passer. Mais les commandements, c'est quoi? Mais c'est simplement l'application des principes préétablis par la nature. Ce n'est pas nécessairement un credo que le prêtre va ou le pasteur va vous dire. Ce n'est pas forcément en lisant la Bible. Nos ancêtres, ils vivaient en harmonie avec la terre, même la mère nature. Nos ancêtres connaissaient, comme le disait, Léopold II, hein, au mois de juin 1885, lorsqu'ils ont envoyé les pasteurs et les prêtres en Afrique, il leur a dit quoi? Il leur a dit ceci, on vous envoie vers ces noirs-là, ces noirs-là connaissent déjà qui est Dieu. N'allez pas leur enseigner sur Dieu, ils connaissent qui est Dieu. Mais choisissez seulement certains versets de la Bible-là, et puis vous les embrouillez, et vous leur faites imposer ces versets-là, pour qu'ils croient à cela. Donc, premier phénomène que j'ai toujours qualifié de lavage de cerveau. Donc, d'où esclavagisme religieux ou esclavagisme spirituel. Bref, on n'en est pas là. On parle du nouvel homme. Donc, une fois ce nouvel homme est sorti, alors vous êtes devenu un maître. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse dire? Parce que l'apôtre Paul explique là, dans le livre des Galates, c'est ça. Le nouvel homme est cet homme qui a maintenant la maîtrise de tel. Et vous êtes devenu un maître. Maîtriser veut dire être maître. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Dans les religions, il y a également l'aspect métaphysique ou spirituel. Voilà pourquoi j'ai un enseignement intitulé la mystique chrétienne. J'avais expliqué que la mystique chrétienne n'est autre que l'application des principes spirituels ou bibliques, mais une application beaucoup plus métaphysique. Une compréhension beaucoup plus métaphysique pour aider les chrétiens, les pasteurs. Et certains pasteurs, ils ont accès à ça. Pas tous. Je le sais parce que j'ai été dans cette école-là. On nous a appris ça en théologie. Donc, cette métaphysique-là, je veux dire, cette mystique chrétienne, la mystique chrétienne, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce que c'est quelque chose de mystique? Voilà, ça, les mots, quand vous parlez de mystique, spirituel, science occulte, mais ces mots-là font peur à beaucoup d'Africains. Voilà pourquoi tous ceux qui sont ici, ils ont accepté, tout comme les nouveaux qui viennent. Comprenez bien que ce que je parle, ce que j'enseigne ici, c'est des sujets considérés comme tabous en Afrique. Ah oui, c'est des sujets qui sont considérés comme tabous en Afrique. Vous allez parler des sciences occultes. Oh, sciences occultes. Oh, le type là, il est dangereux. Mais cherchez d'abord la définition de ce qu'on appelle les sciences occultes. Mais ce sont les sciences de mystère, les sciences des choses que l'on ne comprend pas, mais que l'on peut expliquer. Moi, j'ai fait parapsychologie. J'ai un diplôme en parapsychologie. Mais la parapsychologie, c'est quoi? C'est l'étude du paranormal. Donc, l'étude de ce qui n'est pas normal. L'étude que le commun des mortels n'arrive pas à expliquer. La dernière fois, je faisais le show. Mais dès que je fais ceci, moi, je n'ai personne. Là, je suis tout seul. Ma caméra tourne tout seul. Dès que je fais ce signe-là, la caméra s'est arrêtée. Et dès que j'ai fini, la caméra est mise à marcher. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ce n'est pas la technologie. Dans une autre vidéo, j'étais en train de faire un signe et la vidéo s'est bloquée. Mais je continue à parler. Comment pouvez-vous expliquer cela? Mais ça n'a rien de la technologie. Moi, j'ai un truc, un débit Internet illimité. Je peux avoir 10 000 à un appareil ici. Les machines, c'est illimité. Voyez-vous? Alors ça fait partie de la paranormale. Du paranormal autant pour moi. Donc c'est ça l'étude des sciences occultes. C'est l'étude de comprendre ce qui est occulte, ce que l'on ne peut pas comprendre dans le plan matériel, rationnel. Hein? Je vous balance ça au passage. Ce que nous voyons n'est que de l'illusion. Voilà, ça fait partie de cette étude. Ah oui, ce que vous voyez là, ce n'est que l'illusion. Mais le véritable monde est derrière l'illusion, derrière la matière. La dernière fois, je vous ai amené dans l'étude de l'atome. L'atome, le plus petit élément de la nature. Et ce plus petit élément a 116 éléments. Mais de ces 116 éléments, on a fabriqué la bombe atomique. De ces 116 éléments, tant pour moi, nous avons le plomb, nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons l'hélium, et nous avons même, je crois que c'est l'élément numéro 111, comment on appelle ça? Le coltan, celui qu'on fabrique les ordinateurs, les portables que vous utilisez à gauche, à droite, là. C'est ça, c'est le coltan. Mais c'est l'élément numéro 112. De quoi? De l'atome. Or, l'atome, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais l'atome, c'est le plus infime élément de la nature. Voyez-vous? Mais dans l'étude de l'atome, on nous fait comprendre le phénomène de la matière. Donc, la matière résulte de l'énergie. C'est tout. La matière résulte de l'énergie. Vous ne pouvez pas voir l'atome. Ainsi en est la vie. Donc, c'est pour cela que je disais que vous verrez que je vous amène dans les enseignements supérieurs, là, avant de. Je ne veux pas me perdre sur le sujet. De comment communiquer et écouter les signes des grands maîtres. Il faut connaître tous ces enseignements-ci. Il faut savoir que l'homme que je suis, la matière que nous voyons, n'est qu'illusoire. Mais le véritable, c'est le jeu. Ça, c'est le moi. Ce que nous voyons, le moi. Exhiber, c'est bien. Avoir mille et une copines. Avoir une belle voiture. Faire le fanfaron avec une grosse montre, je ne sais pas de quoi, Rolex de 1 million. Voilà, c'est le moi. Mais malheureusement, ce moi a tendance à tuer le jeu. Je suis. Je me révélais être ce que je me révélerais être. Je suis ce que je suis. Nzamba Kana, l'esprit incarné. L'image de Dieu qui est en nous. On a tendance à piétiner sur cette image. L'étoile dont le sorcier là-bas, dans le village d'Adagali, ou bien dans le village de. Comment on appelle, loin là-bas dans la zone d'Omparo, quand vous allez voir le sorcier, qui vous fait pas le sorcier, je veux dire le visionnaire, il va vous dire, oh, ma fille, votre étoile, c'est votre oncle qui a pris cette étoile. Bon, au niveau où je suis, je ne veux pas dire que c'est l'oncle. Certes, l'oncle peut avoir contribué, mais nul ne peut prendre votre étoile. Mais votre étoile est simplement somnolente. Votre étoile est en train de dormir. Mais il appartient à vous, il revient à vous, c'est de votre essor de pouvoir réveiller. Parce que Dieu nous a créés à son image, ne l'oubliez pas. Donc, nous sommes des particules vivantes, nous sommes des particules dispersées ça et là dans tout l'univers. Donc, les 7,4, voire les 8 milliards de particules, c'est-à-dire les 8 milliards d'âmes qu'il y a sur la planète Terre, constituent l'existentialité de Nzamba Kana. C'est ça l'expression de Zabakana ici-bas. Vous voulez aller où? C'est un niveau de l'initiation. Mais comme je vous ai dit que je ne peux pas terroriser, spirituellement parlant, c'est-à-dire faire peur, ceux qui sont encore au bas niveau de l'échelle. Ceux qui sont au bas niveau de l'échelle, ce sont ceux qui continuent à dire, se mettre à genoux, à dire, oh mon Dieu, viens au secours, oh Seigneur. Ils pensent toujours, ils sont à l'époque de l'homme de la cave, l'homme de la caverne, si vous en souvenez des enseignements de quelqu'un, grand philosophe grec. Ils sont encore à cette époque de la caverne. Vous voyez les blancs, est-ce qu'ils sont encore à cette époque de la caverne? Allez-y dans toutes les églises. Il n'y en a que des noirs là, des Africains qui continuent à crier, appeler. Qui vous a dit que Dieu va intervenir comme ça? Vous êtes déjà Dieu, vous êtes l'image de Dieu. Il faut le prouver et les blancs le prouvent. Je vous l'ai dit la dernière fois, le fondateur de iPhone. Voilà, il ne fréquentait aucune église. Mais il s'est mis à l'écoute. Il s'est mis à l'écoute des signes des grands maîtres. Et ce sont les grands maîtres qui l'inspiraient. Voilà, je vous ai dit que je reviendrai maintenant. Bon, laissons de côté toutes ces explications sur l'homme qui est finalement devenu maître. C'est-à-dire, selon les chrétiens, le nouvel homme. Le nouvel homme qui est créé selon l'Esprit de Dieu. Ce nouvel homme qui est le modèle de Yahshua, Jésus-Christ. Alors allons-y droit maintenant, avant qu'on ne conclue cet enseignement. Qu'est-ce que c'est aspiration et qu'est-ce que c'est inspiration? C'est de ça que nous allons parler. Je vous accorde une minute là. Ce n'est pas une question que je pose, mais je prends une petite pause pour vous permettre de vous préparer. Parce que c'est de ça le point clé de notre débat de ce soir, avant que je vous amène, dans la rubrique aux questions, sur les questions. OK? Donc, ce sera sur ça que nous allons parler tout à l'heure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bassé. Alors, nous revenons donc maintenant à notre sujet là. Je disais tantôt que nous allons parler beaucoup plus de deux termes qui vont nous aider donc à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment nous mettre à l'écoute. Comment nous pouvons nous mettre à l'écoute des signes des dieux? Comment nous pouvons nous mettre à l'écoute du Dieu suprême? Que nous soyons religieux, comment nous pouvons nous mettre à l'écoute de la voix de Jéhovah ou de la voix de quel Dieu? Voyez-vous? Donc, pour ceux qui sont toujours chrétiens, j'aime bien commencer par la Bible. N'est-il pas écrit dans le livre de Jérémie, quelque part? Je crois que c'est Jérémie chapitre 23 ou chapitre 25. Vous allez vérifier chez vous. Il est écrit que Dieu nous parle, l'Éternel Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. Je répète, c'est Jérémie, le prophète, qui a dit ça. Que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. Je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est une aspiration? Et qu'est-ce que c'est une inspiration? Vous verrez que ce sont ces deux mots-là qui vont renforcer votre relation avec, comme vous l'appelez, s'il y a des religieux ici, avec Dieu, ou avec votre Jésus, ou je ne sais pas avec qui. Pour nous, les initiés, on dit avec les génies, avec les maîtres invisibles, ceux qui nous ont précédés et qui sont dans l'autre plan là-bas, ceux qui nous donnent des idées, ceux qui ont inspiré le monsieur qui a créé iPhone, ceux qui ont inspiré le monsieur qui a créé Samsung, ceux qui ont inspiré Albert Einstein dans sa formule de MC carré, de la masse, comment on appelle ça, sur l'énergie qui était égale à la masse, à son volume, à la masse élevée, à la valeur au carré ou quelque chose comme ça. Vous savez de qui je parle. Voyez-vous, ce n'est pas venu de lui. Lui-même, il était étonné. C'est seulement rentré comme ça. Et puis, oh, il a écrit. Et les gens ont extrapolé. Aujourd'hui, cette formule-là nous a permis de comprendre comment est venue la matière. OK? La matière résulte de cette formule-là. Énergie égale à MC carré. C'est-à-dire la masse de la matière élevée au carré. Mais comment cette masse de la matière élevée au carré veut dire quoi? Votre humble serviteur a parlé un français clair. Certes, je fais mathématiques, je ne suis pas un mathématicien professionnel, mais je fais également les maths. Donc, j'ai expliqué cela pour expliquer comment l'univers est venu. L'univers, je vous l'avais toujours dit, et je n'arrêterai jamais d'expliquer comment comprendre ce phénomène du fameux Big Bang. Vous lisez le livre de la Genèse ou les livres sacrés, ils ne vont pas vous dire que c'est le Big Bang, mais ils vous disent seulement comment les choses se passèrent plus tard. Mais il ne parle pas du commencement. Or, si vous lisez, on nous dit bien que l'Esprit de Dieu était où? C'est ça, là, le premier verset. Genèse chapitre 1, le verset 1. Oui, même cette Bible-là. Hein? Attendez, je vais retrouver ça. Dang, I can't find my Bible. Oh, here we go. Je la retrouve. Genèse chapitre 1, verset 1. Le verset 2. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. OK? Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit, et ceci, cela. Et Dieu dit, voilà. Et Dieu dit, le verset 6 ajoute, qu'il y a étendu entre les eaux et ceci, cela. Et ensuite, verset 9. Et Dieu dit. Donc, quand l'expression « et Dieu dit », ça, les gens n'arrivent pas à vous expliquer cela. Oui, E égale MC carré. C'est-à-dire, l'énergie est égale à la masse, à la masse de la matière élevée au carré. Voilà, c'est ça. Donc, ici, cette formule de Einstein, que je ne veux pas venir ici, je sais que parmi vous, vous aimez les mathématiques, moi, j'aime bien. Mais, ce que j'essaie d'expliquer, E égale MC carré, ça rejoint exactement les versets que je viens de lire. Les Elohim, bon, ça c'est au langage des chrétiens. Mais l'âme universelle, comment ça s'est passé alors la création? Je suis en train de vous expliquer comment le Big Bang s'est passé. Donc, nous en tant qu'initiés, on nous dit ceci, que Nzambakana, l'âme universelle, celui que les humains peuvent appeler comme ils veulent, Dieu ou je ne sais pas, Dieu Yahvé, ceci, cela, il se concentre. Il s'est mis au centre de l'univers, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul univers. Il y a plusieurs univers. La planète Terre qui fait partie de cette galaxie composée de 12 planètes, dont seulement 10 ont été approchées, filmées, et tout ça à des millions de kilomètres de la planète Terre, il y en a d'autres. OK? Donc c'est pour cela nous les initiés, dans nos voyages astro, quand on sort à vampire, on voyage dans l'espace et le temps, et c'est là on nous prend pour des fous. Ben, je vous dis, c'est des vérités. Ça a été prouvé comme ça. Tous les grands scientifiques que vous voyez là, c'était des initiés. Allez-y, mais c'était un seul qui n'était pas initié. Oh, le docteur Albert Schweitzer, quand il est venu au Gabon, savez-vous que c'était un initié? Il a laissé plein de livres ici mystiques que moi je lis tous les jours. Et je vous donnerai les références si vous voulez les avoir. Hein? Qui d'autre? Le Dalai Lama, il est parti au Gabon. Samori Touré, grand mystique islamiste qui était le premier grand mystique malien, qui est adoré même par les Maliens et certains Touaregs et tout ça. Il est allé mourir où? Il a été enterré dans la zone de Lambané, là-bas, en Djolé. Hein? Samori Touré, vous connaissez l'histoire? C'était des grands initiés. Il était soufiste. Pour ceux qui ne savent pas, le soufisme, c'est la voie mystique de l'islam. Donc, c'est un mec qui communiquait avec les dieux, un mec qui communiquait avec les djinns, les génies. Donc, la plupart des initiés, c'était des grands maîtres. Alors, nous, donc, tous les initiés, on tombe sur la même conclusion. Ça a été expérimenté, il y a ceux qui l'ont vérifié. Nzamba Kana, donc, s'est mis au centre de tous les univers. Et quand il s'est mis au centre de tous les univers, il concentra toutes ses énergies en lui. Suite à cette concentration intense, il utilisa ce qu'on appelle l'aspiration. En utilisant donc l'aspiration, il aspira à créer l'univers, les univers. Donc, il a bloqué, il a tellement cumulé une somme importante d'énergie. À l'issue de cette concentration, il y a eu ce qu'on appelle une explosion. Et c'est là où ça a créé le Big Bang. Lisez encore le livre de Genèse, on nous dit qu'il n'y avait que des abîmes noirs. Ceux qui font la mathématique quantique, allez-y vérifier. Qu'est-ce que c'est? Les abîmes noirs, c'est quoi? C'est les fameux trous noirs dont on nous parle dans la mathématique quantique. Hein? Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et vous allez dans ces trous noirs-là, vous allez évoluer. Hein? Je vous ai dit, posez-moi les questions à la fin, s'il vous plaît. Pour le moment, je fais le développement du sujet. Donc, voilà comment Nzamba Kana a créé tous les univers. Par une concentration de toutes ses énergies, à l'issue desquelles cette concentration a créé une explosion. Parce qu'il avait une aspiration. Donc, il y a eu explosion. Et suite à cette explosion, il y a eu donc dispersion de toutes les particules à travers tous les univers. Et ces particules se manifestèrent sous forme de volcans, sous forme de ceci et cela. Et on nous dit, ça a pris près de 3-4 milliards d'années. Cela a pris entre 2 à 3 ou 4 milliards. Cela dépend des gens qui ont découvert cela. Et cela donc a demandé des centaines de millions pour refroidir les magmas, pour ne pas dire les volcans. Parce que les volcans sont une continuation de cette explosion-là qu'il y a eu il y a de cela près de 3 à 5 milliards d'années. Voyez-vous, il y a de cela 5 milliards d'années. C'est ainsi qu'il y a eu cette explosion. OK? Donc, quand il y a eu le refroidissement, c'est plus tard, 2 milliards d'années, 150 millions, que la première vie fut découverte. Et aujourd'hui, je suis très content de constater que l'équipe de Poitiers, là, dont je vous parlais dans la dernière vidéo que vous avez suivie il y a 2 jours, cette équipe-là, ce n'est pas une affaire que j'invente pour aller vérifier en France. Cette équipe a débarqué au Gabon au mois d'avril. Hein? Entre le mois le 15, du 15 au 18 avril, ils se sont rendus au Gabon et ils ont découvert un fossile. Et ce fossile leur a permis de déterminer l'existence de la première cellule de la vie. Et cette cellule de la vie a été datée de 2 milliards 150 ou 129 millions d'années. Je répète, 2 milliards 129 millions d'années. Voilà! Donc ça correspond exactement avec la création. Comment Nzamba Kana a créé cet univers? Donc le refroidissement des particules, comme je disais, le refroidissement des volcans, le refroidissement de toutes ces particules ont finalement formé du cratère, ont formé, la terre, et la terre se formant, et après la formation de la terre, la Bible maintenant, c'est là où Moïse, qui est le premier auteur de ce livre de la Genèse, nous dit maintenant que, voilà, le premier jour donc, Dieu fit quoi? Alors, on nous dit qu'il créa les eaux. Après, il y a eu les plantes. Et après, il y a eu les oiseaux volants. Il y a eu ceci, cela. Et l'homme, finalement, fut créé le sixième jour. Mais, quand la création de l'homme fut au sixième jour, C'est là le fameux jardin qui se trouvait non loin du Gabon. Ça, aujourd'hui, personne ne peut me le contester parce que la première cellule qui a plus de 2 milliards d'années a été découverte au Gabon. Et eux-mêmes, les scientifiques ont dit, cela remet en question l'origine finalement de la vie. Alors, remise en question, conclusion, le Gabon est le terroir de la première vie humaine sur la planète Terre, et je le dis à haute voix. Là où je vous parle, hier, j'ai discuté avec des scientifiques ici, des grandes universités, Ohio State University. Je suis allé, j'ai couru là-bas, je suis allé leur dire. Elle me dit, mais toi, tu viens encore nous dire quoi là? J'ai dit, vérifiez. Là, ils sont en train de parler avec les gens de Poitiers, là, en France. Ah oui? Donc, c'est pour vous dire. Je suis tellement fier de parler de mon pays, qui est le berceau de l'humanité, finalement. Aspiration. Zamba Kana, pour créer, il a utilisé l'aspiration. Donc, nous allons parler donc de ces deux termes-là pour arriver à la compréhension de comment communiquer avec les dieux. Parce que c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aspirer? Vous le savez très bien que lorsque on veut aspirer à quelque chose, hein, vous vous asseyez et dites, bon, écoutez, moi, j'ai une idée, j'aimerais aspirer à ceci ou cela. Aspirer veut dire chercher à obtenir quelque chose, n'est-ce pas? Et quand vous aspirez à quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Ça dépend de vos aspirations. Vous pouvez avoir des aspirations qui sont bonnes ou mauvaises. Et cela est fonction de votre polarisation. Vos aspirations sont fonction de votre polarisation. Vous comprenez? Donc, selon ce que, sur la zone, vous câblez. Si, par exemple, vous aspirez à être un directeur général au sein de la société où vous êtes et que vous n'êtes que manœuvre, vous n'avez peut-être pas de bac. Mais rien n'est impossible. Si vous appliquez ces lois-là, des principes sur aspiration. Donc, aspirer, ok, veut dire que vous vous câblez directement sur le Dieu suprême ou sur les maîtres invisibles, alors votre esprit se câble sur eux pour qu'ils puissent vous inspirer, pour qu'ils puissent vous donner une idée de ce que vous voulez. Et là, c'est, je vous le répète, que ça, c'est un travail personnel, individuel. Voilà pourquoi nous, dans l'initiation, tous ceux qui m'ont suivi, je vous ai toujours interdit de trop parler. Là, je viens parler, c'est parce que j'enseigne. Il y a certains d'entre vous qui sont dépassés parce que, à un moment, ils me disent, oh, faut pas m'oublier. Moi, je lis vos messages, je rigole. Mais parce que moi-même, j'applique la loi du silence. Ah oui! Pendant mes petits congés de 5 jours que j'ai eus, j'étais dans la loi du silence pendant 4 jours. J'étais sous les arbres, vous avez vu les photos que j'ai postées. J'étais sous les arbres, en train de recevoir les énergies. Et je n'étais pas autorisé à parler, pas du tout. Parce que c'est là, vous rentrez en communion avec les grands maîtres. Donc, le silence en est l'une des règles fondamentales. Première règle, le silence vous permet de rentrer en communion avec ces mecs-là. Parce qu'eux, ils ne parlent pas. Vous parlez avec eux en esprit. Ils aiment le silence. Loi numéro 2, c'est sur laquelle nous allons donc insister aujourd'hui. Donc, quand vous aspirez à quelque chose, votre aspiration dépendra de votre polarisation. Oui, n'est-ce pas, on dit en français qu'on est sur le même diapason, être sur la même polarité, c'est ça. Donc, cela dépend de votre polarisation. Donc, quand vous avez vos aspirations personnelles, ça dépend, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, cela fera de vous ce que vous voulez devenir. Et c'est en fonction de ces aspirations-là que le deuxième terme, inspiration, vient. Parce que les inspirations aussi peuvent être bonnes ou mauvaises. Et cela aussi dépend de votre polarisation. Parce que si vous vous polarisez sur les grands maîtres, si vous polarisez sur le Dieu Nzamba Kana, vous vous câblez sur lui. Et quand vous vous câblez sur lui, rien que lui, selon votre croyance, ça marche. Pour ceux qui sont nouveaux, j'ai sorti des vidéos où je parle de la magie des égrégores. Les égrégores, c'est quoi? Allez-y sur ces vidéos, je peux trop développer. C'est le phénomène des religions. Parce qu'en réalité, vous serez choqués, Dieu ne croit pas aux religions. Dieu n'a créé aucune religion. La religion, c'est une fabrication de l'homme. L'homme a fabriqué la religion parce que, comme vous le savez, selon Genèse chapitre 3, le verset 22,24 que nous avons la dernière fois, qui expliqua que les dieux là-bas, les Elohim se sont rendus compte que l'homme a maintenant accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que les kabbalistes, la kabbale explique que c'est l'arbre qui explique l'arbre de, comment on appelle ça, des 10 séphirotes. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. c'est cet arbre de la connaissance universelle. Mais alors, les maîtres dirent que non, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, c'est quoi? Mais je vous l'ai dit, c'est l'iboga. Pourquoi? Mais je ne savais pas qu'il y a certains qui l'ont dit avant moi. J'ai appris que le maître dit, Benga, maître, comment il s'appelle Atomo Ribenga aurait expliqué quelque part que Dieu donna à notre frère blanc la Kabbale et il nous donna, nous l'homme noir, l'iboga. Mais ce n'est pas faux. Finalement, ça rejoint ce que dit Genèse, chapitre 3, le verset 22. Voyez-vous? Parce que le verset 22 est clair que non. Maintenant, comme l'homme connaît le bien et le mal, bon, ça, le frère blanc, il a été intelligent, il a utilisé le livre. Aujourd'hui, ils utilisent le livre. Maintenant, l'arbre là, par contre, non. Il faut empêcher. Mais, Dieu merci, que cet arbre a été planté où? Vous avez suivi le groupe de dépotiers, ils ont découvert que c'était au Gabon. Le jardin d'Eden, c'était dans la zone du Gabon, là, quelque part. Donc, l'inspiration, c'est quoi? C'est la résultante de votre aspiration. Vous comprenez? Aspirer veut dire vouloir quelque chose. Aspirer veut dire se projeter à travers une vision qui est d'abord peut-être oculaire. Oui, parce que vous visionnez, vous êtes là assis. Bon, moi je veux un château. Je reviens sur le premier exemple. Vous êtes manœuvre, vague maître, c'est le terme qu'on utilise. Si ce terme est déjà n'existe plus, vague maître à l'époque veut dire que vous êtes l'homme à tout faire. Vous êtes l'homme à tout faire au sein d'une entreprise, mais vous, tous les jours, vous êtes là. Vous aspirez à être le directeur de cette entreprise. Vous ne regardez pas votre niveau intellectuel, vous n'avez pas besoin de penser au bac. Bon, certains intellectuels me disent, oh, mais monsieur, nous vivons, vous rêvez. Mais non, je ne rêve pas. Nous avons vu des cas pareils. Nous avons vu des cas pareils. Mais cela est en fonction de leur aspiration. C'est pour cela qu'on vous dit que les lois magiques, on ne blague pas avec ça. Jour et nuit, le gars est là, il aspire. Mais on nous dit bien, puisqu'en aspirant, il se câble sur le Dieu suprême, il se câble sur les génies, il se câble sur les dieux. Vous ne connaissez pas la pratique qu'il fait, peut-être qu'il fait la méditation transcendantale, peut-être qu'il est initié dans le bouti, il active son feu tous les jours, peut-être qu'il est initié dans le rite de nos ancêtres, comment communiquer avec les esprits de ceux qui sont partis, les morts, mais il continue à le faire, il continue à déposer la nourriture et le vin, il parle. Je suis moi votre fils, le fils de tel et de tel. Moi, j'aspire à cette position, quel que soit l'espace et le temps, quelles que soient les circonstances. Ce poste, je le mérite et je vais l'avoir. Vous le répétez, vous faites votre, donc vous mettez en jeu votre aspiration. Parce que aspiration veut dire j'aspire à. Mais puisque vous aspirez à, vous êtes l'aspirant, alors je mets la lettre A. Et quand vous aspirez, vous allez vous câbler sur qui? Ben, je mets la lettre B. Vous allez vous câbler donc sur les dieux ou les génies. Alors, les dieux vont en avoir marre, selon le livre d'Hébreux chapitre 11 que j'ai toujours cité, le verset 6. Les dieux vont dire, mais comment Zambakana, le type, il continue toujours à demander ceci, donc il faut donner ce qu'il veut. Donc ça revient pour le même langage, mais sauf qu'ici, je vous amène dans une compréhension purement métaphysique. Donc, l'aspirant peut recevoir ce qu'il veut, que ce soit bon ou mauvais, c'est en fonction de sa vision oculaire, en fonction de ses idées, en fonction de ses mentalités. Donc, son aspiration passe à travers la tête. Et là, il émet des vœux et ses vœux passent par l'aspiration. C'est-à-dire des aspirations personnelles. Et ces aspirations personnelles, bonnes ou mauvaises. Mais maintenant, si vous constatez que ça échoue, vous rentrez dans une nouvelle polarisation. Vous émettez encore une nouvelle idée. Et ainsi de suite. Donc, vous vous câblez sur la longueur d'onde des grands maîtres. Voilà le premier phénomène. Maintenant, le troisième. N'oubliez pas, le premier, c'était le silence. Le deuxième, c'est, il faut vous câbler. Donc, polarisation, plutôt, inspiration, aspiration, inspiration. Vous ne pouvez être inspiré qu'en fonction de votre aspiration. Moi, je suis allé dans le bois. Quand je méditais, je ne posais pas de questions, je méditais. J'étais en train d'aspirer à quelque chose. Je disais, mais vraiment, je suis dans cette voie-là, ça fait maintenant 44 ans. Ça fait 44 ans que je suis dans cette voie. Je constate effectivement que je reçois de vous des messages. Alors, qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui? Ça, c'est une aspiration. Et automatiquement, puisque je me suis câblé sur la même longueur d'onde que les grands maîtres, eux, ils ne font que ça. 24 heures sur 24, ils ne connaissent pas le sommeil. 24 heures sur 24, ils sont là. Oh, lui encore, on oublie, il est revenu. Allez, donnez-lui ce qu'il veut. Alors, c'est comme ça, ils m'ont dit, bon, tiens, justement, va nous parler de ceci, va parler de cela. Donc, votre aspiration personnelle, individuelle, en fonction de votre polarisation, donnera comme résultat, en fonction de votre aspiration, tant pour moi, vous vous câblez donc sur la même longueur d'onde, vous vous câblez sur les dieux suprêmes, sur le dieu ou les dieux, comme vous voulez, et ces dieux-là vont à leur tour vous répondre. Parce que, à un moment donné, vous arriverez à un stade où ce que vous faites, vous ne pouvez même pas expliquer cela. Mais pourquoi ? Parce que vous avez été inspiré par la puissance. Vous avez été inspiré par la puissance divine, dans la direction qui convient à votre cas bien spécifique. Voyez-vous ? Donc, retenons bien que l'aspiration et l'inspiration vont ensemble dans la réalisation de vos vœux. Donc, comment alors se mettre à l'écoute des signes des grands maîtres ? C'est en vous câblant sur la même longueur d'onde qu'eux. Quand vous vous câblez sur la même longueur d'onde qu'eux, vous aurez certaines inspirations. Et ces inspirations me rappellent quelque part, si vous me permettez, que je prenne un peu la Bible, ça me rappelle un prophète, je crois qu'il s'appelle Habakkouk. Habakkouk, j'aime bien ce monsieur. Le verset m'a été cité comme ça. Habakkouk, quelque part, si je ne le retrouve pas, c'est un petit prophète là aussi. Les écrits là sont très difficiles à trouver. Agée, Sophonie, Habakkouk, voilà. Habakkouk, il est là. Voilà. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit à Habakkouk, le chapitre 2. Chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. Pardonnez-moi, mais c'est pas un livre qui appartient seulement aux chrétiens. C'est un livre universel. Ça nous aide dans certaines compréhensions. Même les scientifiques l'utilisent. Donc, Habakkouk, le prophète, nous dit ceci. J'étais à mon poste. Je me tenais là sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc après mon aspiration. Et l'Éternel m'adressa la parole suivante, il me dit, écris cette prophétie, grave-la sur des tables ou bien écris ça sur un livre afin que on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Et cette prophétie, elle marche vers son terme. Elle ne va pas mentir, même si elle tarde. Il faut l'attendre, parce qu'elle doit toujours s'accomplir. À coup sûr, elle s'accomplira. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Je préfère revenir sur la partie qui dit. Dans certaines versions, il dit la vision. La vision, c'est quoi? C'est aussi votre aspiration. Donc, cette vision-là que moi je te donne, même si elle tarde à s'accomplir, ça ne veut pas dire qu'elle va tarder. Elle viendra toujours. Le prophète Habakkouk veut nous dire quoi? Quand vous aspirez à quelque chose, la première des choses que vous devez faire généralement, c'est de toujours écrire ce à quoi vous aspirez. C'est très important. Voilà pourquoi les Blancs aujourd'hui, ils sont populaires sur ce thème-là. Moi, je donne crédit à nos frères Blancs. Parce qu'ils écrivent toujours tout ce qui leur traverse la tête. Vous voyez? C'est ça la compréhension de ce verset. Écris cette vision afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise, donc. Il est en train de dire au type que pour que d'autres personnes puissent lire ceci couramment. Écris ça, même si les gens vont pas, même si toi tu penses que non, c'est pas toi qui vas voir, mais c'est pas grave, écris quand même. Parce que c'est une vision. Elle verra le jour. Quel rapport y a-t-il avec ce que je dis? Mais quand vous aspirez à quelque chose, cela peut prendre du temps. Mais c'est sûr et certain que ça va s'accomplir. Parce que vous avez déjà provoqué dans le plan invisible, vous avez projeté dans le plan invisible certaines énergies, certains vœux, lesquels vœux, même si, d'une manière ou d'une autre, quelque chose vous arrive, mais ça va toujours s'accomplir, même si ce n'est pas auprès de vous, mais votre descendance, quelqu'un va hériter de cela. Technique pratique. Parce que je crois que là, je parlais un peu trop scientifique, peut-être, pourtant je n'ai pas un livre. La technique est la plus simple. Je vais vous la déballer maintenant. Comment se mettre à l'écoute des maîtres? Souvenez-vous, Jérémie nous a dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention. Pourquoi? C'est parce qu'on parle trop. C'est parce qu'on fait trop, on est trop occupé à d'autres choses. On ne prend jamais le temps de méditer. On ne prend jamais le temps de s'isoler un peu. On ne prend jamais un temps pour soi-même. Voyez-vous, on ne prend pas de priorité dans notre vie. Qu'est-ce qui est notre priorité dans notre vie? Il faut éviter de disperser votre vie. Voyez-vous, j'ai un boulot professionnel. Mais est-ce que c'est ça réellement que j'aime? Je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Et c'est vrai, c'est un rapport aussi, ça j'aime bien. Parce que ça fait partie de ma personne. C'est-à-dire la compassion, l'amour et surtout la pitié. Ah oui, je me mets à la place de ces mecs-là. Quand je vois quelqu'un qui se bat, oh mon Dieu, tu me dis quoi? Oh laisse-moi tranquille, toi là, tu avais violé ma maman, laisse-moi en paix. Et le médecin continue à dire non, il écoute des voix. Mais ça me rend fou. Je dis mon Dieu, le pauvre médecin, c'est un ignorant. Parce qu'il a été à l'école de blanc, on lui a appris que non, parce que le type, quand il parle comme ça, non, il écoute ses propres voix. Mais quelle est la personne qui va écouter sa propre voix, mon Dieu? Mais c'est la folie. Mais il écoute des voix extérieures. Ce sont les voix des esprits de l'au-delà. Ce sont les voix des personnes qui ont dû faire du mal. En fait, nous avons affaire à quelqu'un qui est visionnaire, là. Il est en train de recevoir des dons. Comment des dons? Je veux dire, il est en train de recevoir des messages de l'au-delà. C'est à vous maintenant de pouvoir comprendre. Voilà pourquoi je prends tout le risque. Une fois que j'identifie un patient comme ça, je l'appelle en privé. Je dis, viens ici, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Il me regarde. C'est comme si vraiment c'est l'esprit. Et il me suit. Pourtant, le mec, il est violent. Il bastonne les médecins, il tape les autres techniciens, il tape les autres thérapeutes. Mais monsieur, nous vivons. Qu'est-ce que vous avez d'exceptionnel? Jamais vous avez été agressé par ce mec. J'ai dit, non, c'est pas grave. Je suis obligé de mentir que non, j'ai prié Jésus-Christ. Oh, laisse-nous ça, nous, on prie Jésus. Or, c'est parce que je suis un initié. Je suis sur la même longueur d'onde que ces mecs-là. Ils sont en communion avec les esprits de l'au-delà. Les comprimés qu'on leur donne, la preuve en eux que je vous jure, ça fait bientôt 7 ans que je suis dans ce domaine-là. Les mêmes malades reviennent tout le temps. On les décharge, on les envoie chez leurs parents. Oh, bababa, ça ne marche pas. Oh, le type revient encore là-bas, agité. Je me moque, je dis au docteur, ah, votre affaire-là, c'est dur. Donc, il continue toujours à écouter ses voix. Oh, mais oui. Il continue à écouter ses voix. Voilà pourquoi je donne un peu raison aux églises, même s'ils ne le font plus comme à l'ancien temps. Faire des délivrances à ces patients. Des séances de délivrance spirituelle. J'ai vu des fous se libérer de ça. Je vous ai donné mon témoignage sur l'autre vidéo. Hein? Du mec qui était champion de taekwondo du Gabon. Un mec qui avait 1m90, costaud, plus de 220. Moi, je n'avais que 65 kilos. Hein? Hein? Il avait près de 100 presque kilos, moi, ce mec. Mais je l'ai déchaîné, je l'ai guéri. Voyez-vous? Donc, l'aspiration. Quand vous êtes en communion avec le grand maître, ils vont vous passer des messages. Donc, l'exercice pratique que je vais vous recommander aujourd'hui est le suivant. Première chose, rassurez-vous. Je répète encore, les techniques que je partage avec vous, si vous les appliquez, vous me donnerez raison. Premièrement, il faut apprendre à appliquer la loi du silence. Prenez 2 ou 3 jours dans la semaine sans parler. Bon, maintenant, si vous travaillez trop, prenez quand même un jour. Sans parler, s'il vous plaît. Dites à votre femme ou à votre mari, dites, oh maman, demain là-haut, je ne veux pas. Oh. Je ne veux pas que quelqu'un me parle, je ne veux pas du tout. Vous pouvez parler, mais je ne veux pas vous répondre. Mais prenez pas de bizarre, pardon, je suis en train de faire un travail. Bon, maintenant, si vous... Moi, au début, je le faisais, j'étais obligé de m'enfermer. Je m'enferme dans la chambre, j'avertis madame, les enfants, pardon, ne me dérangez pas, je suis en pleine prière. Je suis obligé de mentir. Que maintenant, je suis en train de prier, je vais prier pendant 24 heures, laissez-moi tranquille. Alors, voilà pourquoi, pour gentil, les publicités ont couru partout que moi je suis un homme fou. Je suis un être normal. C'est seulement des techniques de nos anciens. Ce sont les techniques des maîtres. C'est comme ça les grands maîtres vivaient. Je vous ai parlé de l'initiation pythagoricienne. L'initiation pythagoricienne, on vous dit qu'au premier degré qu'on appelle le degré de la préparation, ça prenait 5 ans. Et pendant les 5 ans, on exigeait que les mecs ne devaient même pas parler. Attendez que je vérifie. Où est ce bouquin là même? Oui, on nous disait que ces mecs-là devaient rester pendant 5 ans sans dire un mot. Oh, c'était dur. C'était vraiment dur pour les mecs. C'était pas facile. Pendant 5 ans, vous ne devez pas dire un mot. Donc, vous devez seulement écouter le maître qui parle. Le type vient parler, il est là, il parle. Vous vous gardez seulement le silence. On vous enseigne les mathématiques, la géométrie, vous êtes seulement silencieux. Voyez-vous? Pendant 5 ans, je parle, je suis en train de chercher dans mon livre de l'initiation égyptienne, donc j'avais reçu le machin. C'est cette cotation-là. C'est très important. Donc, pendant les 5 ans, on nous disait qu'il ne fallait pas dire un mot. Qui va supporter 50 ans sans dire un mot? Bon, bien sûr que eux, c'était dans les temples. Ils restaient là-bas. Ils étaient loin de la famille. Et après, cette préparation, donc, pendant les 5 ans-là, c'était d'avoir accès à la connaissance. Parce que quand on vous enseigne, taisez-vous, ne dites rien. Même si le professeur ou le maître qui parle peut-être s'est trompé, mais cette tromperie peut paraître un enseignement derrière cette tromperie. Donc, en réalité, les grands maîtres ne se trompaient pas n'importe comment. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi? L'ego. L'ego nous étouffe. On se dit, parce que je suis médecin, parce que j'ai 2 doctorats, qu'est-ce que j'ai à venir écouter Moréon Nouvier? Ça, c'est un fou, il raconte n'importe quoi. OK. Passe avec ton chemin. Voilà, l'ego. L'orgueil. Parce qu'on pense être intellectuel, on pense beaucoup, avoir beaucoup appris. Mais regardez-vous même dans les pays, dans les pays les plus développés. Regardez les scandales. C'est créé par qui? Par tous ces gros cerveaux-là, les gens qui ont beaucoup appris, qui viennent nous pomper le gros français. Mais en réalité, je voulais toujours dire qu'il y a une différence entre un intellectuel et un homme sage. Un intellectuel, c'est un avantage quand vous êtes intellectuel et que vous êtes vraiment initié. Voilà pourquoi j'avais dit, la plupart de ces intellectuels-là, c'est des frères, c'est des fratères dans les loges. Moi, j'ai fait 35 ans dans les loges maçonniques. Je leur ai conseillé, je dis, il faut vous initier. Parce que même dans les loges maçonniques, là, on ne leur apprend pas que l'autorité ou le pouvoir qu'on vous donne, ce n'est pas d'aller dominer les mecs n'importe comment, les infos. Non, vous devez être humble. En réalité, c'est ça, quand vous êtes un véritable maître dans la loge, dans la franc-maçonnerie, à partir du 29e degré, on vous l'apprend. On vous apprend la technique de laver les pieds de Jésus, puisque les maçons, ils ont leur propre Bible aussi. Nous avons la Bible maçonnique. On vous apprend l'histoire. On vous apprend la science occulte, pour ne pas dire... on vous apprend le secret derrière, la technique initiatique derrière le lavage des pieds. Parce que Jésus, c'est une cérémonie d'ailleurs, qui se fait par certaines églises ici. Je ne sais pas si ça se fait au Gabon. Où Jésus a demandé à laver les pieds, il a demandé à laver les pieds de ses disciples. Il les lava. Mais c'est une technique d'humiliation, d'élévation, d'humiliation, mais d'élévation. Parce que pour être un vrai leader, vous devez d'abord être humble avant d'être élevé. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ce sont les derniers qui vont être les premiers. Mais les premiers, là, ils vont être derniers. Voyez-vous? Non, ceux qui pensent que ce que j'ai dit, c'est la folie, ça, c'est leur business. Donc, premier degré, préparation. Autant pour moi, purification. Ah non, préparation, exactement. Vous devez vous préparer. Et quand vous préparez, j'ai appelé ça les 3 P. Je parle d'abord du premier P qui est la préparation. Donc, pendant la préparation, silence. Donc, l'un des secrets fondamentaux pour pouvoir être en communion avec les grands maîtres, d'écouter leurs signes, ils vont commencer à vous parler, c'est vous taire. Vous taire. Étudier dans le silence. Moi, j'ai étudié dans le silence pendant près de 25 ou 30 ans. Ce n'est pas parce que je suis venu aux États-Unis, non. Au Gabon, les gens ne savaient pas que j'avais une panoplie de livres. Il y a quelqu'un qui me suit là-même qui a découvert que non, il y a certains livres que bon, mon épouse, je ne sais pas, par ignorance, elle a dû jeter ça à gauche, à droite. Et c'est comme ça, ils ont découvert qui j'étais. Mais c'était des livres de moindre importance. Et certains sont cachés quelque part au Gabon. J'ai près de 365 combien d'ouvrages. Mais heureusement, j'avais remis ça à quelqu'un, sous sol, caché quelque part. Parce que ces livres, c'est une richesse. Voyez-vous? Mais le livre, comme je le disais, c'est 99% de transpiration et seulement 1% d'inspiration. Donc, il faut vous initier réellement. Il faut quelqu'un qui, face à face, vous initie. Voilà, premièrement, le premier P qui est le P de la préparation. Le deuxième P, c'est la purification. Au travers des techniques de purification, ceux qui m'ont suivi depuis un moment, j'ai expliqué qu'avant de dormir, vous devez faire la rétrospective. Je ne vais plus rentrer dans le détail. Allez-y suivre cette vidéo. Je parle de la rétrospective. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez faire votre rétrospective, autant pour moi, avant de dormir. Vous revoyez tout. Et vous essayez de vous corriger sur ce que vous avez fait de mauvais. Et vous le faites en esprit. Vous n'êtes pas obligé de parler là comme un fou. Sinon, on va vous dire que vous êtes le disciple du fou, Olivier. Donc, même moi-même, je ne parle pas quand je fais cet exercice. Et au réveil du matin, vous devez vous Voici ce que le grand maître disait, que avant de t'endormir, récapitule tout ce que tu as fait. Tu dois le faire. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé durant la journée. Il faut récapituler tout ça. Donc, j'ai appelé ça la rétrospective. Ça, c'est sur la purification. Et la deuxième technique, c'est quand tu te réveilles le matin. Chaque matin, dès le réveil, essaie de te remémorer brièvement tout ce qui s'est passé dans tes rêves, dans tes mondes oniriques. Je sais que ce n'est pas facile. Ça va paraître dur, mais il faut le faire. Repense-y chaque soir, donc, avant de dormir. Donc, ça doit être des exercices constants. Ça, c'est la période de purification. Et enfin, la technique de perfection. Et la technique de perfection, là, maintenant, alors, c'est fini. C'est celle qui consiste pour vous de vous dédoubler maintenant. Vous devez vous exercer à vous dédoubler. C'est ce qu'on appelle vulgairement au Gabon sortir en vampire. Mais le dédoublement, ça demande quelqu'un qui vous forme. Il y a des livres qui vous expliquent le BAB. J'ai sorti une vidéo qui est là. Vous pouvez vérifier ça. Comment sortir? Et vous le faites. Mais je vous conseille d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui doit vous aider comment vous pouvez sortir de votre corps. Car ça fait peur au début. Voilà, à travers ces trois P-là. Maintenant, dans la vie courante, dans tout ce que vous allez entreprendre, s'il vous plaît, vous n'avez plus besoin de prier. Oh mon Dieu, oh, moi je vais partir, j'ai déposé une demande d'emploi à la Sobraga, au nom de Jésus, ouvre-moi. Bon, ce n'est pas mauvais, ça, ce n'est pas mauvais. Mais là, je vous parle maintenant en tant qu'initié. Laissez les histoires de Jésus, laissez Dieu à côté d'abord, pardon. Vous n'avez pas encore appris à travers auprès de votre humble serviteur que Dieu, c'est vous. Vous êtes une manifestation de Dieu sur terre. Vous représentez Dieu Nzambakana sur terre. Hein? C'est écrit dans la Bible, non? Dieu vous a créé à son image. À l'image de Dieu, nous fûmes créés à son image. Donc, nous sommes sa ressemblance. Et il y a un philosophe qui a dit, mais puisque nous sommes la ressemblance de Dieu, il faudrait que nous le lui rendions. Il faut rendre à Dieu cette ressemblance. Mais comment rendre à Dieu cette ressemblance? Mais c'est tout simple. Se faire de nous des dieux sur terre. Créer des choses. Le gars qui a créé iPhone, mais ça, c'est un dieu. Le gars qui a créé d'aller dans l'espace, mais c'est ça. C'est ça. Le dieu, que la partie de Dieu qui est en nous. On n'a plus besoin de crier vers lui pour réaliser des choses. On n'a plus besoin de crier vers lui si on veut devenir millionnaire. On n'a plus besoin de crier vers lui si on veut quelque chose dans notre vie. On applique la loi de l'aspiration et de l'inspiration. Et quand une fois on les a appliquées, mais les choses viennent naturellement vers nous sans forcer les choses. Mais bien sûr, vous direz que, mais monsieur Nouvier, c'est facile de dire, ça fait 44 ans que vous faites ça. Je dis non, je n'ai pas dit que c'est facile, mais il faut vous y mettre au travail. Donc, voici ce que vous devez faire. Vous savez que vous réveillez le matin. Bien sûr, quand vous appliquez les techniques que je viens de vous dire, la rétrospective, de vous souvenir des rêves, de vous corriger, de faire mieux le lendemain, hein, si vous avez trop menti durant toute la journée, vous dormez, vous vous culpabilisez, bah, merde, man. Il faut que demain, en me réveillant, j'évite de mentir. C'est comment? Parce que je vous signale que quand vous êtes un initié, vous ne devez plus mentir. Vous devez dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est ça qui dérange beaucoup de personnes, même quand je fais mes interventions politiques, ils me disent, oh, ce type-là. À un moment, les gens pensaient que j'étais fou. Mais aujourd'hui, on me donne du respect. Les gens prêtent attention maintenant à ce que je dis. Parce que je donne des références, je donne des machins. Et à un moment, j'hésite. Parce que même les maîtres me disent, toi, tu te fous le nez dans les histoires politiques, tu devais même ne plus parler de ça. Parce que tellement, on va te donner des révélations, ça risque de choquer les gens. Voyez-vous, il y a un monsieur qu'on appelait Rasputin. Il était de l'Europe de l'Est, là-bas, du même côté que Elena Petrovna Blavatsky, qui était la première grande magicienne, grande mage, très puissante. Ce monsieur-là qu'on appelle Rasputin était vilain. Il sentait mal des trucs comme ça. Mais c'était l'homme le plus puissant, un grand mage. Il était prophète. Il était reçu par les reines, il était reçu par des rois à l'époque. De l'ex-URSS, de ces pays de l'Est, on l'appelait. Mais je vous jure que même les reines tombaient amoureuses de ce type. Et pourtant, ce type-là, il dégageait, il était vilain comme quoi. Mais il avait un magnétisme trop puissant. C'est pour vous dire que quand vous êtes initié, vous dégagez une puissance, vous dégagez une certaine force. Je vous dis que là où je suis, je peux vous dire des centaines, des milliers de femmes qui qu'est-ce qu'elles n'ont pas demandé. Mais c'est un piège du diable. C'est un piège. Parce que c'est comme ça. Le diable, quand il voit en vous cette lumière qui brille, eh bien, il vous expose. Et une fois, dès que je connais ces vérités scientifiques, si j'ose exposer mon corps, être en contact avec le corps d'une autre femme, mais c'est fini. C'est comme ça que je perds mes pouvoirs. Vous allez me dire, oh, mais les maçons et tout ça. Moi, j'ai été maçon. Ça, c'est de l'abus du pouvoir. Ils couchent avec ces femmes parce qu'ils veulent satisfaire leur flèche, leur chair, autant pour une flèche en anglais. Je n'ai pas dit ici là qu'il faut plus coucher. Hein. Il n'y a pas plus beau que faire l'amour. Mais moi, je dis il faut faire l'amour de manière ordonnée. Si la femme, elle est célibataire, allez-y, faites-le. Mais si elle est mariée, mais ça ne sert à rien d'aller prendre des risques. Vous êtes en train de vous violer les lois karmiques. Bref, je ne veux pas être hors du cadre. Donc, dans la vie courante, comment se mettre à l'écoute des signes de maître? Voici la loi fondamentale. Vous voulez vous déplacer, aller quelque part, asseyez-vous. Vous n'avez pas besoin de prier. Vous respirez 3 fois. Et vous vous concentrez et vous dites, vous faites la technique de l'aspiration. Donc, vous projetez un esprit que, bon, je dois me rendre au Cédoc. Grand maître, montrez-moi un signe. Avant de m'y rendre, montrez-moi un signe. Dois-je partir ou pas? Quelle que soit la pression qu'on met autour de vous, s'il vous plaît, faites-le. Je vous jure, les maîtres vont intervenir. Maintenant, je vais vous dire comment eux, ils interviennent. Vous n'allez pas voir le maître qui va venir te dire « Oh, on oublie, non, ne pars pas !» Ou une voix que vous allez entendre. Non, non, non, non, non. Voilà comment ça se passe. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez sentir 2 phénomènes pendant que vous êtes assis sur le banc. Tous ceux qui suivent mes enseignements, que ce soit au Gabon ou dans le reste des pays du monde, en Afrique et même en France, partout, expérimentez ce que je vous dis. Je suis un initié, s'il vous plaît. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Parce que je vois certains qui disent, oh, il raconte quoi là? Une fois, vous avez fait cette technique, vous respirez 3 fois, inspiration, expiration, et vous aspirez. Ça veut dire, vous projetez en fonction de votre polarisation. Donc, vous vous polarisez, c'est-à-dire, vous vous mettez au diapason avec ce que vous désirez. Par exemple, si vous voulez vous rendre au service d'immigration, vous avez eu rendez-vous. Ou bien, vous voulez simplement aller visiter quelqu'un, et puis, vous attendez. Vous verrez, c'est pour un signe, les maîtres vont vous donner un signe pour vous dire que non, ça ne va pas être bon, ne partez pas. Mais comme nous, on est tellement, ça revient à ce qu'on a toujours dit, mais il y a une voix intérieure qui te parle. Voyez-vous? Il y a une voix intérieure qui te parle, mais on a tendance à ne pas l'écouter. Ça rejoint ce que je viens de dire au prophète Jérémie qui a dit, Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre, mais vous ne voulez pas prêter attention. C'est Jérémie chapitre 25. Alors, donc vous restez là, 2 signes vont se présenter. À un moment, vous allez sentir votre corps très léger. C'est comme si vous voulez vous envoler. C'est le signe positif. Allez-y et tout marchera très bien. Vous restez là assis. Vous verrez que votre corps est léger. Vous essayez de bouger les épaules. Vous sentez que vous êtes très léger. C'est un bon signe. Levez-vous. Et puis bon, chérie, oui, oh les enfants, j'arrive. Et ça va marcher. Le deuxième signe. Vous verrez les épaules. Ça commence à... Vous sentez votre corps qui devient lourd. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Vous sentez le corps qui devient lourd. C'est comme si quelqu'un pose des mains sur vous. Mais maintenant, moi, je vous dis le secret. Ce n'est pas comme quelqu'un. Mais ce sont les grands maîtres. C'est un maître invisible. C'est un génie qui est en train de te poser les mains sur les épaules que ne pars pas, ne sors pas. Reste, reste. Donc, vous allez sentir le poids sur vos épaules. Vous sentez... Ceux qui me suivent là, s'il vous plaît, même sans être initié, vous n'avez jamais vécu ce genre d'expérience? Je vous dis... Maintenant, je vous le déballe. C'est ça, le mystère des sciences occultes. Ce qui se cache derrière ce que nous vivons, le commun des mortels. Mais il n'y a personne pour vous expliquer. Mais c'est ça le rôle d'un initié, de vous expliquer. Donc, vous sentez le corps qui devient lourd. Vous êtes là maintenant. Et pourtant, vous pensiez vous rendre, mais le corps devient lourd. Ah bon, ça va. Je crois que je vais changer d'avis. Ou bien, ah non, je vais tout partir. Vous insistez. Après, oh, dès que vous allez, vous sentez le corps lourd, non? Mais vous insistez quand même, vous vous habillez. Après, vous sentez devant la porte quelqu'un qui cogne. Oh, Angema, est-ce que tu es là? Quelqu'un que tu n'avais même pas prévu recevoir. Mais ça, c'est encore qui? Oh, mais c'est tonton. Oh, mais tonton, je sors. Oh, non, non, non, non, c'est urgent, s'il te plaît. Oh, bon, d'accord, parle, moi, je t'écoute. Voilà tonton Gema qui va commencer à t'expliquer ses palabres, ses problèmes. Oh, ma femme, hier, je ne sais pas, elle est partie là-bas. Alors qu'habituellement, il a ses problèmes. Mais qui l'envoie? Mystère des mystères. C'est que les maîtres t'aiment. Les maîtres sont en train d'insister que non, ne t'entête pas, parce que si tu pars là, voilà, deuxième signe. Le premier, si on t'a posé les mains, tu sentais que le corps était lourd et tu as insisté. Maintenant, le deuxième signe, voilà tonton Gaiman qui vient frapper à ta porte, qui vient te raconter des histoires qu'il vit tous les jours. Prête attention à nous, écoute, ne pars pas. Mais vous vous entêtez. Tonton Gema, s'il te plaît. Oh, attends, ok, mais maintenant, il me reste 15 minutes, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais mon neveu, toi, tu vas me chasser de ta maison, je t'explique un problème. Tonton Gema, bon, d'accord. Bon, et quand? Je veux venir te voir quand? Oh non, même samedi. Oh, mais franchement, toi, tu veux me bouger mon rendez-vous? Je suis déjà en retard. Oh, c'est pas normal, ça. Tonton Gema s'en va. Et voilà, vous insistez. Vous allez à la route. Vous attendez maintenant le taxi. Ah, alors que l'endroit là, les taxis s'arrêtent habituellement. Il y a plein de taxis. Mais là, ce jour-là, c'est bizarre. Le taxi, rien. Oh, mais merde. Il n'y a pas de taxi. Tu es en train de transpirer. Tu cours à gauche, à droite. Mais mon Dieu, où sont les taxis? Et tu insistes. Ça, ce sont des signes. Donc, apprenez à les écouter. Le premier signe, il est peut-être difficile. Parce que peu de gens peuvent sentir ce poids-là. Mais le deuxième, quand même. Pourtant, vous vous projetez à aller quelque part. Mais posez-vous la question. Tonton Gema ne m'a même pas appelé. Madame Boukandou ne m'a même pas fait signe de vie. Oh, Madame Rebouka, elle ne m'a même pas dit que non, il y a rendez-vous chez Tato Taro, il y a là-bas, au grand village. Mais quelle est cette affaire que Maman Rebouka vient m'envoyer l'enfant ici-là? Oh non, on oublie, Wakanda, reste, attends-nous, on arrive. Ce sont les grands maîtres. Apprenez à vous mettre à l'écoute des signes des grands maîtres. Et moi, j'en ai vu le pire. Je vous dis avec expérience, je vous dis les connaissances que je partage avec vous, moi-même je les ai expérimentées. J'en ai vu le pire. Faut-il que je vous raconte ma propre histoire? Ça se passe en 1993 à Port-Gentil. Je travaillais dans une compagnie à l'époque qu'on appelait Amoco. Amoco Oil Company. American Oil Company, autant pour moi. J'étais comme radio opéra, on appelle ça bilingual radio operator. Donc, opérateur radio bilingue. Je me suis acheté ma belle petite moto. Et puis, j'étais, je crois, mentier même. Je faisais un peu des trucs de témoin de Jéhovah. Alors, avec la joie d'avoir la nouvelle moto, hein, je suis à la maison. J'étais off ce jour-là. Donc, j'étais de repos. Bon, je suis là assis. L'esprit me dit, je sens le poids, là, les signes. Là. Oh, je sens le corps fatigué. Ah, je dis, ah non, moi, je veux partir. Et puis, bizarrement, dès que je suis sorti, je ne sais pas, un petit enfant, là, il a balancé le ballon, tapé devant ma porte, la vitre de la maison s'est cassée. Il dit, oh, mais toi, tu es fou. Comment tu vas taper le ballon? Un enfant à peine de 5 ou 6 ans. Oh, tonton, je ne savais pas. Oh, mais mon Dieu, là, il faut que je répare ça. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Oh, mais ce n'est pas possible. Et je m'entête. Je dis, ah non, je prends ma moto. Je démarre la moto. Mais voici, je suis parti. J'ai insisté, non? D'aller vers... Je fréquentais une sœur témoin de Jéhovah là, dans la zone de la cité de la ECG. Oh, j'aurais souhaité que maman, comment elle s'appelle encore? Elle a un autre nom sur Facebook, je ne vais pas dire son nom de famille. Son papa était même là-bas à l'époque, que Dieu ait son âme. Donc, je ne vais pas rendre visite à cette famille là. Alors qu'en réalité, je n'ai même pas pris rendez-vous. J'ai insisté. Bon, ceux qui sont des Port-Gentil, il y a un tournant là. Par le bord de mer, hein? Juste après l'usine de Sobraga, au bord de mer là-bas, vous passez là pour tourner, aller vers la ECG. Je viens avec la moto là, et pourtant, ce n'était même pas à plus de 50 à l'heure. Hein? La moto, je me suis projeté. Dieu merci, j'avais mon casque. Projection, je tombe, accident grave. Tout seul, il n'y a pas une voiture, je tombe. Mais voilà maintenant à Paul Igamba. Je suis là-bas à Paul Igamba, réanimé. Je me réveille, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et le premier flash que j'ai reçu, savez-vous lequel? C'était le flash du poids. C'était le flash de Nako, la lame de Nako que l'enfant avait cassée avec le ballon qu'il a tapé. Donc, cet exemple, à travers cet exemple typique, clair, j'ai compris que oui, c'était l'intervention des grands maîtres qui ont voulu me donner une leçon. Parce qu'effectivement, en insistant d'aller rendre visite à cette famille, et quelques temps après, il y avait un problème là-bas dans cette maison. Donc, eux, ils ne voulaient pas que je m'y rende. Mais c'est parce que j'étais têtu. Donc, se mettre à l'écoute des maîtres est très, très important. Ou bien se mettre à l'écoute de Dieu, pour ceux qui sont chrétiens, ou se mettre à l'écoute d'Allah Akbarou, c'est très important parce que ça vous éviterait d'avoir des incidents ou des accidents. Donc, apprenez à écouter ces signes-là. Et ils sont tout simples, il n'y a pas de mystère. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué? Vous attendiez à quoi? qu'un ange va venir vous gifler, un ange va venir vous souffler quelque chose à l'oreille. Non. Bon, maintenant, si vous avez atteint un niveau comme nous autres, oui, on entend des bourdonnements, on entend les voix. Ils vont commencer à vous dire, voyez-vous, mais ça sont des signes simples. Avant de vous rendre quelque part, avant d'entreprendre une action, avant d'aller dire quoi que ce soit, gardez le silence. Certains, même quand la dernière vidéo que j'ai faite, vous avez remarqué que quand je parlais, je toussais. J'ai toussé plus de deux fois. Pourtant, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis jamais tombé malade. Je bois pourtant l'eau pour éclairer rien. C'était un signe de maître. Le maître était en train de me dire non. Ne rentre pas trop dans les détails. Parce que quelqu'un m'a posé la question, non, explique-nous tous les arsenals qu'on utilise dans le boutique quand on t'initie. Oh, vous voulez que je vous... Et c'est comme ça, la gorge. J'ai commencé à tousser. C'était un signe de maître. C'est pour cela, vous avez dû remarquer, j'ai dit non. Mais quand même, vous qui êtes même maçon, vous n'avez pas déballé tous les secrets de la maçonnerie. J'étais obligé de trouver des raisons comme ça. Mais en réalité, quand je vous parlais de l'iboga, c'était d'une manière informelle. L'initiation en tant que telle, quand vous la recevez, n'importe quel initié ne va pas vous dire que voilà, il faut l'iboga, il faut ceci, et puis voilà, il faut mélanger avec ça, ceci, cela. Non! Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens aillent faire de l'auto-initiation chez eux, après ils vont se faire du mal? Ça, c'est un. Et de deux, les génies, les grands maîtres invisibles ne nous autorisent pas. Une fois, vous avez l'information et vous avez le témoignage, mais allez-y! Je vous ai dit, je vous ai donné mon contact en inbox, donc contactez-moi, je vous donne le contact sûr. Vous allez vous y rendre, peut-être que vous me verrez là-bas, et puis voilà, on vous donne l'initiation. Maintenant, même vous allez voir les secrets vis-à-vis. C'est ça. Ça, c'était un signe de maître. Et à un moment, je parle, là, tout insiste. C'est un signe de maître. À un moment, vous êtes en train de parler, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Mais tellement vous pensez que vous connaissez trop, qu'est-ce qui va se passer? Paf! L'air rentre dans votre nez. Vous êtes bloqué. Ce sont les maîtres qui vous disent, chut, tais-toi. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Hein? Même le grand maître Jésus, à un moment, il répondait à des questions par question. Il répondait à des questions par question. Il n'était pas obligé de développer. Je crois que nous nous sommes compris. Revoyez cette vidéo. Je crois que nous nous sommes compris. Alors, je vous prie de poser les questions. Je crois que j'en ai terminé pour cette partie-ci. Je reste maintenant disponible aux questions, s'il vous plaît. OK? Bazar, tu me parlais du transfo, toi. Alors, j'écoute, j'attends vos questions, s'il vous plaît. Avant de passer à la conclusion de cette technique, disons cet enseignement sur comment rentrer en contact, ou comment se mettre à l'écoute des génies, à l'écoute des maîtres, à l'écoute des dieux. Conformément à Jérémie, chapitre 23 ou 25, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. Alors, vous avez appris aujourd'hui comment maintenant se mettre à l'écoute de ces mecs-là. Ils ont une manière à eux de communiquer avec vous. Et parfois de manière très brutale. Je vous ai donné mon témoignage, ma moto Suzuki 125 jaune, ceux qui m'ont connu à Port-Entier à l'époque, je l'avais bousillé. Parce que j'avais insisté. Et ce n'en est pas, il n'y a pas seulement que cet exemple. À Libreville, à Port-Entier, je connais d'autres cas, des exemples. Hein, où j'ai insisté. Et j'arrive là-bas, je suis à la fin dessus. Hein? Tellement vous aviez insisté, il y a pourtant tous les signes. Quelqu'un qui vient vous dire, oh non, mon gars, viens. Ah non. Vous continuez, vous arrivez là-bas tout trempé de sueur, arrivez. Alors, la personne vous dit, bon, écoutez, je suis désolé. Hein. Ou bien vous arrivez, la personne n'est même pas là. Ou bien la prochaine communication, ah, écoutez, Monsieur Mupanga, bon, je suis désolé, hein. On renvoie notre rendez-vous pour deux jours. Mais alors tout ça, là, tu n'as pas écouté les signes. Voyez-vous? J'attends vos questions, s'il vous plaît. Sur notre sujet. Thank you. quelles sont les différentes manières d'atteindre les arcanes secrètes? Je vais répondre à la deuxième question. Est-ce qu'on peut comprendre ces signes sans être nécessairement initié? Oui, bien sûr. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont pas initiés, mais les signes parlent. Maintenant, l'avantage quand vous êtes initié, c'est que vous les comprenez, vous les maîtrisez mieux. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'être initié pour connaître ces signes-là. Hein? Même les chrétiens le savent, mais ils ont besoin d'être initiés dans la mystique chrétienne pour comprendre ça. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais on ne prête pas attention. Il peut parler à travers un enfant, il peut parler à travers notre épouse. Vous là, par exemple, ceux qui aiment tricher leur mari ou leur femme. Bon, tu as la pression prêtée. Oh non, Angélique va me raconter. Oh, mais ma femme encore, c'est quoi? Mais chérie, bon, écoute, est-ce que tu peux préparer la sauce aux enfants? Oh, mais vous êtes obligé de fabriquer un mensonge. Oh non, mais j'ai rendez-vous avec le chef. Hein? J'ai rendez-vous avec le chef. Pardon, vraiment, c'est urgent. Mais c'est parce que vous avez rendez-vous avec Angéline. Et la femme est utilisée par les grands maîtres pour pouvoir vous bloquer de ne pas vous y rendre parce qu'il y a un malheur qui vous attend. OK? Et pendant ce temps, vous insistez de partir, vous allez vous bourrer de kobolo, vous allez prendre le satambwanda, vous allez manger la cola, vous allez boire les Guinness, vous allez vous doper, comme le truc que je vois maintenant sur Facebook, le type c'est de trouver son engin, son appareil génital debout tendu pendant combien de jours. Alors quand vous partez finalement, Angéline ou Angélina, que vous deviez rencontrer, vous arrivez, oh, désolé hein, Gaspard, vraiment j'ai eu un empêchement là des dernières minutes. Après vous regrettez, vous dites, oh mais merde. Si j'aurais écouté ma femme, mais c'est pas possible. Mais maintenant, je fais commander toutes les bois là que j'ai mis dans le corps, les mouchongou et quoi, toutes les doses des anabolisants que j'ai pris ou les Viagra, je ne sais pas trop. Après, vous allez vous endommager votre santé pour rien. Voilà, Angéline, vous ne la trouvez pas. Alors, vous courez à gauche, à droite, c'est Albertine. Ah, mais Albertine est où? Tu appelles Albertine. Oh, mais toi, c'est quoi? Ça fait bientôt des ans, on ne se voit pas tard, c'est après. Moi, je suis là avec mon mari. Tu sais pas que je suis marié maintenant. Vous allez maintenant transpirer, vous allez avoir des tensions. Et vous retournez à la maison, et madame va te regarder maintenant, mais finalement, chérie, tu sembles être triste, que c'est comment? Et toi, voilà, tu es obligé maintenant de décharger tout sur ta propre femme. Donc, ça, c'est des signes. On n'a pas besoin d'être initié, mais sauf que quand on est initié, on reçoit ces messages-là. Votre homme de serviteur, parfois, il entend les voix, on me parle. Ah oui, ça, c'est quand vous avez atteint un certain niveau. Bon, maintenant, la première question. Y a-t-il d'autres voix? Oh merde, cette question était très importante là. J'aimerais que cette question revienne là. Quelles sont les différentes façons d'atteindre les arcanes secrètes? Voilà. Ah oui, le tato. Les différentes voies secrètes pour atteindre, ouvrir les arcanes secrètes. Mais je vous ai dit, il y a de multiples initiations. Il n'y a pas que le bouti. Moi, j'ai atteint les arcanes secrètes par d'autres méthodes initiatiques. OK? Parce qu'il faut comprendre que les arcanes secrètes, c'est quoi? Mais j'ai déjà donné un enseignement sur la méditation. Oui, j'ai déjà donné ça sur la méditation. Oh, je peux refaire ça la prochaine fois si vous voulez. Donc, les arcanes secrètes peuvent être ouvertes par d'autres techniques l'initiation au bouti. Autre que l'initiation au djembe. OK? Il y en a d'autres. Il y en a mille et une initiations. Moi, je vous répète que ce n'est pas le bouti qui m'a ouvert les arcanes secrètes. Le bouti, c'était par curiosité. Hein? Avoir des apparitions de défunts, est-ce bien ou mal chez un enfant? Un enfant, c'est rare qu'il voit les apparitions de défunts. C'est souvent rare. Apparition de défunts, c'est ils apparaissent. Souvent, ils ne font aucun mal. Souvent, ils aiment apparaître aux enfants, d'ailleurs, auprès des enfants. Et même les anges. Les anges, souvent, apparaissent aux êtres innocents, aux filles vierges. Voilà pourquoi, dans la magie cérémonielle indienne, on nous avait toujours expliqué, même dans la Kabbale, on nous explique que pour ceux qui, je ne sais pas si certains qui sont là m'ont entendu, m'ont suivi ma vidéo, je parle de Abraham Lel Hommage. Pour évoquer les esprits ou les génies, souvent on recommande, il y a certains rites que je faisais dans la pratique kabbalistique où on exigeait que pendant que je fais le rite, il faudrait que j'aie deux enfants. Donc une fille vierge et un petit garçon innocent. Et comme ça, les anges vont apparaître. Ils n'apparaissent pas physiquement, mais il y a des manifestations. Vous sentirez le froid, ils vont vibrer, ils vont taper. Et après, vous parlez et ils vous donnent la solution. Oui, les esprits des défunts peuvent aussi apparaître auprès des enfants. Pas pour les faire du mal, mais ils aiment bien les enfants. Parce que les enfants sont des êtres innocents. Et les enfants, souvent, c'est des êtres qui sont nantis de certains pouvoirs. Ils ont la clairaudience, ils ont la clairvoyance. Et je peux vous dire qu'ils peuvent avoir aussi le pouvoir de télépsychie, donc de transmettre des messages auprès des défunts. Donc ce n'est pas une surprise que cela puisse arriver. Donc, en dehors, revenant, là je répondais à cette question. Maintenant, revenir sur la question des arcanes secrètes. Les arcanes secrètes, c'est quoi? Ce sont des chambres de l'au-delà. Ce sont les différents niveaux de conscience qui peuvent être accessibles par tout initié qui prend sérieusement son enseignement, qui prend sérieusement sa base initiatique, c'est-à-dire l'école à laquelle il s'adhère, ou bien, par exemple, si c'est le cas d'un bouddhiste, parce que ce n'est pas tous les bouddhistes réellement qui peuvent avoir les capacités d'être un véritable niman et d'atteindre les hautes dimensions, de traverser au-delà de la mer, comme on le dit dans le langage bouddhi. Ceux qui ont été initiés peuvent comprendre de quoi je parle. Ce n'est pas tous, parce que beaucoup sont dans le gain égoïste, beaucoup sont dans cette affaire de l'ego, voyez-vous. Mais si vous prenez sérieusement vos enseignements, si vous prenez sérieusement vos connaissances acquises, oui, les arcanes secrètes peuvent être ouvertes dans n'importe quel domaine, même dans le yoga que je pratique. Le pranayama yoga, qui est le yoga de la méditation transcendantale. Okay? J'ai fait une vidéo sur le bouddhi, je crois, hier, avant-hier. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus sur le bogage. Oui, je l'ai fait. La réponse est oui. Maintenant, vous voulez que je parle trop du bouddhi? Moi, je ne veux pas trop rentrer, mais je crois que j'en ai parlé. J'en ai parlé, je vois du bouddhi. Donc, les portes des arcanes peuvent être ouvertes par n'importe quel moyen ou socle initiatique. Il n'y a pas que le bouddhi. Ça peut même être ouvert par la religion, par la voie que j'ai appelée la mystique chrétienne. Voyez-vous, la Kabbale vous enseigne comment ouvrir les arcanes secrètes. La mystique chrétienne vous enseigne comment avoir accès. Et bien d'autres. Et même dans le Njembe, dans le Ilombo, et même dans le Mwiri, et dans le Mungala Besho, et tout ça. Donc nos sociétés secrètes africaines, nous sommes capables d'ouvrir par des voies et moyens les arcanes secrètes. Mais n'oubliez pas que l'activateur numéro un, le catalyseur numéro un, c'est le bouillet, c'est l'iboga, bois sacré. D'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Que la pièce maîtresse cherche une initiation sérieuse à l'iboga. Je vous ai dit, contactez-moi en inbox sur ma page Facebook et je vais vous mettre en contact avec qui de droit qui va vous initier. Voilà, c'est mon grand frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu d'incident, il a fait plus de 40 ans et vous aurez ce que vous voulez. Vous me contactez, il ne va pas vous demander beaucoup d'argent. Et il a, c'est un professeur agrégé, il voyage à travers le monde, conférencier, donc il n'a pas le temps de vous escroquer. Hein? Donc, contactez-moi et je vous mettrai en contact avec lui. Et je lui en parlerai d'abord et puis vous allez l'appeler sans problème. D'autres questions? Apparemment, il n'y a pas. Et s'il existe des gens qui ont des prédispositions naturelles à voir, à sentir, entendre, interpréter les voix, les génies sans autant d'être initiés? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Contactez-moi, puisque vous êtes abonné à mon site là. Vous êtes abonné à mon site Tatanzambe Akana, ici, sur Facebook. Sur YouTube, alors laissez un message sur YouTube, présentez-vous et reposez-moi la même question sur mon compte Facebook. Je vais vous le balancer. Le bouddhi, dernière question, le bouddhi est vaste. Je vous ai dit, il y a plusieurs formes de bouddhi. Il y a le bouddhi, di Zumba, auquel j'ai pris mon bois. Il y a le bouddhi Indéa. Vous parlez de quel bouquin? Les bouquins, il fallait être là, le dernier live, là. J'ai donné les sites, j'ai donné les noms des livres en question que vous pouvez commander. Donc, je disais que il y a une variété de bouiti. Il y a le bouiti. Bouiti reste bouiti, mais il y a plusieurs. Le bouiti reste bouiti, mais il y a le bouiti di Sumba, le bouiti Ndiya, le bouiti Misoko, bouiti Yakoa. Ok. Donc, le bouiti des pygmées et tout ça, le bouiti Togo, mais sous les grandes dénominations de Disumba, Ndiya, Misoko et autres. Donc, il y a des bouitis de guérison, il y a des bouitis de ceci. C'est des différentes branches. Mais le bouiti reste le bouiti. Et l'activateur ou encore le propulseur, élément numéro un, ou encore l'essence motrice reste toujours l'iboga. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Les génies de la forêt, ce sont les mêmes génies qu'on trouve partout. C'est ce que je peux vous dire. Il faut encore revisionner ma vidéo là où je parle de l'iboga, s'il vous plaît. Hein? Revisionnez cela. Mbumba Yano, allez-y dans ma vidéo, je parle de ça. Ça, c'est des nouvelles personnes. Bon, allez-y suivre ma vidéo où je parle de l'initiation, justement, de la femme sur la femme de nuit. Mari de nuit ou femme de nuit. C'est celle qu'on appelle le Mbumba Yano ou le Mbumba. Je montre des techniques, comment vous pouvez la convoquer, comment vous pouvez demander pardon si elle embête votre mariage, et tout ça là. Le prochain live, bon, je ne sais pas. Je vous ai fait une surprise aujourd'hui, je suis content que vous soyez là. Le prochain live, c'est sûrement quand je serai un peu de repos là, parce que je viens de reprendre mes activités professionnelles. Ça va être sûrement, je verrai bien d'ici la semaine prochaine, on verra une date. Je vais vous confirmer au moins 2 jours à l'avance. Venez nous parler de l'Américain King et Sankara. Bon, ça, c'est beaucoup plus politique. C'est vrai que le Dr. King, Martin Luther King, lui, c'était il était pasteur, en même temps révérend pasteur et puis activiste politicien. Et il a beaucoup fait pour l'Amérique. Et aujourd'hui, le Civil Rights Movement, à cause de lui, aujourd'hui, nous, les Noirs, si on nous brime au travail, si on nous fait des conneries, maintenant, on a le droit à la même paye que le Blanc. Bon, je lui donne crédit pour ça. Maintenant, je ne veux pas vous parler de son côté mystique. Ça, il m'est pas. Je ne peux pas le dire. Sankara, c'est pareil. Il était également initié. Bon, mais malheureusement, il a quitté ce monde. Bon, chers compatriotes, je crois qu'il est temps qu'on se quitte. Et en Occident, quelqu'un pose la question si en Occident on peut évoquer nos génies. Mais bien sûr. Derrière ma maison, je suis ici en Amérique, non? Derrière ma maison, j'invoque les ancêtres. Je parle, je leur adresse mes machins. Il n'y a pas de problème. L'esprit vous suit partout où vous êtes. Okay? Ce sont des entités volatiles. Ils peuvent voler dans l'air, dans l'espace et le temps. Ils peuvent avoir accès dans tous les 4 éléments de la nature. C'est ça l'avantage. Parce que même quand vous allez quitter ce monde matériel, votre corps matériel retourne à la poussière, mais votre corps astral, votre corps spirituel, votre corps divin, qui est votre âme, peut rentrer dans n'importe quelle matière, peut rentrer dans tous les 4 éléments, rentrer dans le feu, l'eau, l'air, la terre, sortir et partir. Donc, rassurez-vous que oui, effectivement, les esprits de nos ancêtres nous suivent partout où nous sommes. Que nous soyons ici aux États-Unis ou en France, partout vous les invoquez, si vous connaissez la formule secrète, comment rentrer en communion avec eux, il n'y a pas de problème. Ils vont toujours apparaître. D'une manière ou d'une autre, ils vont vous écouter. Il suffit simplement de connaître et avoir les outils de communication avec eux, de connaître les bases, hein, c'est-à-dire les éléments de base, qu'est-ce qu'il faut, leurs aliments, le vin qu'ils prenaient, et ensuite connaître leur combo, connaître leur tribu. Il faut bien connaître votre histoire ancestrale. Là, je vous amène dans le rite de la convocation ou encore de la communion avec nos ancêtres. Donc, oui, c'est possible. Quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit, vous pouvez toujours les convoquer. Alors, je vous remercie, chers compatriotes. Ce sujet ne me tenait peut-être point à cœur, mais après ma longue méditation, comme je vous l'ai dit au début de mon introduction, Ils m'ont dit, il faut que j'en parle. À partir d'aujourd'hui, vous savez désormais comment communiquer avec les grands maîtres. Comment se mettre à l'écoute de leurs signes. Comment se mettre à l'écoute de leur intervention. Certes, vous avez bien suivi. Maintenant, cette imagination de quelqu'un qui va vous gifler ou qui va vous dire une parole, ce n'est pas comme ça qu'ils apparaissent. Sauf si vous avez atteint un certain niveau, ils peuvent passer par personne interposée. Ils peuvent également vous donner quelques messages directement. Mais souvent, ce sont des signes. Ils peuvent poser les mains sur vous. Ils peuvent même intervenir sur la vidéo, comme ils l'ont fait plusieurs fois. Vous avez suivi dans mes lives. Si vous recevez ma vidéo sur la toute dernière, où j'ai posé mes mains en signe de respect, eh bien, ils ont bloqué cette image pour quelques secondes. Je vous dis, je suis tout seul dans mon studio. Nul n'est autorisé d'être ici. Parce qu'il faut être initié. Et je suis le seul. Donc, nul ne rentre dans cette pièce pour m'aider à faire quoi que ce soit. Je le fais tout seul. C'est pour vous dire que ces derniers interviennent d'une manière ou d'une autre. Et vous avez, je vous ai, au cours de mon développement, hein, il y a plusieurs manières où ils peuvent se présenter. Si vous vous mettez à, comment dirais-je, vous osez dire des choses qui ne leur plaisent pas ou qui ne sont pas nécessaires, vous verrez qu'ils vont intervenir, soit sur votre plan physique, sur votre langue, ils vont vous bloquer, vous allez tousser ou bien vous allez faire un accident. Malheureusement, comme je vous ai dit, leurs interventions peuvent être soit avec conséquences négatives ou à conséquences positives. Négative veut dire que ça peut amener même des accidents graves, voire mortels, parce que vous n'aurez jamais voulu écouter. Ils le font pour votre bien. Donc, mettez-vous à l'écoute des signes de grand maître, et de cette façon, vous allez désormais bénéficier de leur aide, car ils vont vous épauler dans votre vie, ils vont vous aider afin d'accomplir vos rêves les plus profonds, et dans tous les domaines de votre vie. Il est très important. Maintenant, pour accélérer ce processus d'écoute des signes de grand maître, je vous recommanderais de vous initier. Et cette initiation, pour ceux qui sont en Europe, si vous n'avez pas accès au Bouti, vous pouvez avoir accès à d'autres initiations. Et elles existent bel et bien. Je suis très démocrate en matière de la richesse spirituelle. Mais je me maintiens toujours au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, si vous avez une Bible, où il est écrit que toute connaissance qui vous est proposée ou qui est à votre disposition, veuillez prendre le soin de l'examiner attentivement, restez attaché à ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient, et rejetez ce qui ne vous convient pas, ce qui ne peut vous amener à l'évolution ou à l'élévation de votre conscience. Donc, appliquant ce principe dans votre vie de tous les jours, vous pouvez naturellement trouver certains milieux où vous sentirez à l'aise afin de vous initier. Ça peut être des initiations occidentales ou orientales ou africaines. Tant que c'est bon pour votre élévation de votre âme, vous pouvez y aller. Personnellement, en dehors du Bouti, je vous ai déjà dit mon parcours. Voilà, donc c'est très important de se mettre à l'écoute des grands maîtres. Merci encore. Que Nzambakane, le Dieu suprême, Nzambakane, l'âme universelle, veille sur vous. Et qu'il vous aide à faire le bon choix de votre vie. Et que le bonheur, la paix, et surtout la paix, car sans la paix intérieure, vous ne pouvez pas réussir dans le plan spirituel et matériel. C'est cette paix intérieure que nous recherchons tous. Cette paix intérieure ne doit pas être synonyme de lâcheté, mais c'est plutôt synonyme de maîtrise de soi, synonyme de la maîtrise de la vie, faisant de vous un grand maître. Et quand on arrive à ce niveau, bien sûr, on est toujours incompris. C'est pas grave, laissez les gens parler, laissez les gens exhiber, laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère que d'ici là, nous allons nous retrouver. Et tout ira. Soyez bénis. Merci encore. Merci encore. Merci encore.